Rome Nouveau. Hey, hey. Salut tout le monde et bienvenue à ce 94e épisode de Rétro Nouveau. C'est notre spécial de fin d'année. Oui, yeah. Mais ça va bien les gars? Ça va très bien, absolument. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh! Jean-François s'est trouvé de la tiraille. Ouais, parce qu'on va donner des cadeaux aujourd'hui. Fait que, c'est vrai. Yes. On a un gros épisode, plein de cadeaux pour vrai. Là. Ouais. Il y en a tellement que j'ai pas eu le temps de tout catcher ce que notre vous dites dans notre conversation. Ouais. On a la poche bien pleine. Puis, ouais. Soyez très attentifs au podcast ce soir. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a comme un genre de bonne Noël à la fin avec plusieurs affaires pour la première... Faut pas se dire rien. Non, tu peux le dire. Ouais, on a un grand prix. On a un gros premier prix. Est-ce qu'on annonce les prix tout de suite? On pourrait annoncer les prix tout de suite, Jeff. Donc, on va vous poser une question à la fin du podcast. Fait que soyez attentifs sur notre top de l'année. Puis il y aura trois positions, en fait, trois grands prix. Le premier grand prix, on va donner Batman Telltale Games sur Steam. Toute la saison complète. Un code pour Shantae sur 3DS. Oh boy. Shower with your dad simulator parce que vous l'avez aimé. C'est le plus populaire. Ben c'est le let's play qui a eu le plus de views de tout ce que j'ai fait à date. Ça vous apprendra. Ouais. Un code pour Punch Club et un t-shirt de Rétro Nouveau. Yeah. C'est un beau kit. C'est un vrai, on fera pas sauter ça avant la fin, ce coup-là. Exactement. C'est pas du trolling. C'est des vrais cadeaux. Là. La deuxième place va se mériter un autre code pour Shower With Your Dad Simulator et un t-shirt de RZO, gracieuseté de Young Media, c'est-à-dire que ça sort de mes poches direct. Nice. De l'argent. La troisième place, un code de Shower With Your Dad Simulator. Puis on va faire tirer aussi un prix parmi nos Patreons à la fin du show. Ça va être une carte cadeau de 20$ de la console de votre choix. Oui. Donc Nintendo, Steam, PS... ou Xbox. ZX Spectrum, non? Si j'en trouve une, peut-être. Ça en vient. Chez Art. Ouais, chez Wilco. Chez Wilco. Wilco Woolworth. Wilco Woolworth. C'est eux-là qui disent bien vite à la fin. C'est ça que vous pouvez gagner, c'est mon t-shirt. Man. Et t-shirt d'Erzado. Pour honner. C'est sûr qu'on soit trop au Québec avec un t-shirt. Belle couleur. Y'a rien pour l'arrêter ici. Eh non. Pas d'allure. Hey, Christy, la musique est intense à soir. Ouais, je sais pas. Elle porte un peu, ouais. Mieux, ça? Ouais. Yeah. C'est Bubble Ghost. C'est nos auditeurs et nous qui sont forts, en fait. C'est sûr, ouais. C'est ah, les auditeurs, ils l'entendent pas, c'est qu'eux autres, là. Ils l'entendent, mais moins forts que nous autres. Dans juste nous autres qui a l'air de battre-tripper. Ah, c'est juste nous autres. C'est juste nos auditeurs qui sont beaucoup trop forts. Ils l'entendent-tu pendant qu'on enregistre là sur Facebook? Ouais, ouais. Ils devraient, en tout cas. Dites-moi-les si vous l'entendez pas, parce que c'est supposé. J'ai jamais pris le temps de me poser la question. Est-ce que là, on est live? On est live. Bon. All right. Qu'est-ce qu'on fait à soir? Fait que là, GF, il y avait un autre affaire à dire. On est live, il y a Ellie qui demande son Final Fantasy XV parce que c'est lui qui avait gagné l'autre fois. Désolé, Ellie. Ah, écoute, il n'y a rien qu'à se prendre 3 Final Fantasy VI chez Arcane Montréal. Il était chaud. Ça va être Final Fantasy XVIII. Non, mais Ellie, j'ai un défi pour toi. Si tu deviens végétarien avant 2017, je te donne un Final Fantasy. Mais il faut que j'aille des preuves, là. 3 semaines straight de végétarien. Wow. Je vais ramasser tout son beef jerky. Ouais, exact. Ouais, tout son orignal jerky, en fait. Ça va être difficile. Mesquinerie. C'est une mesquinerie. Fait que toi, GF, t'as fait un let's play. Ouais, j'ai joué au jeu qui vient de sortir sur Steam. Un jeu Maze, M-A-I-Z-E, de la compagnie Finish Line Studios. Finish Line Games, en fait. Une petite compagnie de Toronto qui ont fait ça. Fait que c'est un jeu de puzzle en first person. Dans un labyrinthe champ de maïs, un peu. Ouais. Puis c'était très, très bon. J'ai fait les deux let's play back à back, puis j'ai pas fini le jeu, mais je vais le finir. Puis franchement, essayez-le. C'est un bon petit jeu. Moi, j'ai écouté un peu. C'était quoi la gimmick de l'ourson, là? C'est parce qu'à un moment donné, au début, t'es dans le champ de maïs, tu te promènes, puis c'est tout le temps, toutes les pièces que tu vas être, c'est un labyrinthe tout le temps. Okay. Fait que labyrinthe dans un champ de maïs, labyrinthe dans des souterrains. Après ça, tu vas construire un ours avec des pièces de vieil ordi, puis c'est un ours qui te suit, puis qui t'aide à résoudre les puzzles qui s'en viennent. C'est pas très dur. Mais l'ambiance, c'est tellement le fun de voir des genres de gros maïs avec des têtes qui te parlent. Tu comprends rien tout le long. Je peux pas dire le punch parce que je le sais pas encore, mais je l'ai bien aimé. C'est probablement le let's play que j'ai le plus aimé à date de ceux que j'ai fait. Parce que ça a l'air cool comme jeu. Ça a l'air cool. C'est rare que... La musique est forte en haut. Ouais, hein? Ouais. On va le baiser un peu. Bon. Voilà. Ça coupe ouais. souvent aussi, à ce qui paraît. Ça coupe. Ah, Élie, il dit super fluide chez nous. Ça. Simon Barreau, dit moi aussi. Il y a peut-être du monde que ça coupe. Bon, ben, désolé, monsieur Jack Go Photo. C'est chez toi que ça coupe. Ah, on sait ce que je veux. Mais, ouais, il est là souvent, lui, ce monsieur Jack Go Photo. Ouais? Ouais. Allez, je le salue. Bon. Salut. Excusez-moi. Fait que oui, allez voir sur YouTube et Facebook. Les let's play sont là. J'ai recommencé un petit peu à faire du Twitch, mais je ne l'ai pas vraiment annoncé encore. J'ai fait une petite game de Steep l'autre fois. Puis, ouais. Je lui ai envoyé une couple de views, mais je me pratique. J'ouvrirai ma cam bientôt. Élie nous propose comme prochain jeu ici Genital Jousting. Ah, ben, oui. Je peux pas jouer tout seul à ça, par exemple. On joue au Party de Noël, nous ouais. autres, c'est le fun, mais il faut être quatre. Là. Ah, ouais. Hein. Comme ben, des, comme on... des, comme des pénis qui ouais, c'est se rentrent ça, dedans. C'est des pénis qui se rentrent dedans, ouais. C'est ben, le fun. C'est plein de minigames de pénis. Ça serait un let's play qui ferait fureur. Oh, le ça, deuxième plus ça, regardé qu'on ça fait. Ça va tout casser. Ça casserait tout, c'est ça. Prochain, dans le prochain studio, on fera ça. Ben, on pourra, ouais. on le fera. Assurément. En prochain studio. Un jour. À bas les pantalons. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Fait que, bon, Légoué, moi, je voulais faire un salut spécial. Légoué. Oh, t'as dit un Légoué! Légoué! Bravo! Légoué! Légoué, excusez-moi. Ça existe pas un Légoué, ah, mais comme ça. On a parlé de pénis, lui, il a parlé de jambes, ça marchait ouais, comme un. Complètement brisé. Ouais, en fait, je voulais juste dire un salut à Steve Tremblay de Game Focus. Ouais. L'excellent Game Focus que j'ai rencontré à Québec, en fait. J'étais voir le spectacle Symphony of the Goddess qui s'est donné. Oui. La musique de Zelda, en fait, à Québec. Exact. Puis il était là avec ses enfants. Fait que j'ai pu le rencontrer okay. en personne. Oui. Puis, vraiment sympathique. Bon show. Donc, salut Steve. Je sais que tu nous écoutes. Là, fait que, il est bien fait, gentil. Ouais. Yes. Cool guy. Puis sinon, moi, à part ça, je sais qu'on a des points en intro, mais je l'avais pas mis. Je voulais juste dire que j'ai énormément de fun avec Final Fantasy XV. Ben oui. T'es vraiment rendu un gars d'RPG, toi. Année après année, t'en fais de plus en plus. Ouais, j'en fais de plus en plus. J'ai ouvert mes horizons. Mais là, tu sais, c'est vraiment action c'est ça, RPG. Il a changé, il est pas mal action. Ouais. Final, c'est super le fun. C'est comme Xenoblade Chronicles, genre. Ouais. Puis c'est très facile d'approche. Puis ce qui est le fun, c'est que là, ça fait 15 heures que je mets dedans. Mais en fait, 7 de ces heures-là ont été mis par ma fille qui farm pour moi. Ouais. Hey, ça, c'est le fun. Ça, c'est fantastique. C'est le fun de faire des enfants et les transformer en esclaves pour farmer ou grinder tes games. Moi, je vais faire moi, j'ai plein de beaux Pokémon que mon gars m'a attrapé. Ben oui. J'aime ça. Moi, elle, la trip à juste se promener dans le champ puis trouver les roches puis les matériaux puis les trucs de même. Fait qu'elle roule en char, man, pendant 30 minutes. Je t'avais de le mettre. Elle s'en va chercher une garnotte, mon gars, super rare. Je t'avais de le mettre sur les insectes de ma game de Twilight Princess. Toutes les crises de bébites, sinon t'as pas de cadeau à Noël. Ouais, le Père Noël, il veut vraiment que t'attrapes tous les insectes. Exact. Il va me regarder chacun de ces troncs-là. Un par un. Ouais. Genre, la seule affaire qui est wrong dans Final Fantasy, c'est la garagiste, là. Ouais. J'ai dit à ma fille, je dis ouais, habille-toi jamais de même. Habille-toi pas comme ça, ça a aucun sens. Parce qu'elle dit, ouais, elle est sexy, elle. Ça a pas vraiment rapport qu'elle soit habillée de même, elle travaille dans un garage. Ouais. Ouais. Ouais. J'essayais d'expliquer ça à ma fille, mais c'était vraiment difficile. Ils sont rendus juste à dire habille-toi pas de même, Calvin. Les Japonais. Ouais, ouais les c'est Japonais. La seule explication. C'est la seule explication valable. Fait que c'est super le fun. Et sinon, on voulait parler rapidement de la fille Super de Bruno Mario a 8 ans, je Run. Pense, c'est bon. Non, ma fille, elle a 7 ans. 7 ans? Non, elle a 8 ans. Ah oui, même âge que mon plus vieux. Non, elle a 8 ans. Mais je t'avoue que des fois, je me fous sur leur âge. Je suis un peu perdu. Ah, moi, je m'en rappelle parce que je me dis, ah, enfin. OK, là, le prochain, c'est ça. Après ça, c'est ça. Après ça, on enlève le bas de bébé. Chris, oui. Ah, c'est-tu maison, man. J'ai enlevé un riser dans mon char, là. Ah oui, ah, ouais, hein? Ça, c'est plaisant, maudit. Moi, j'en reviens. Moi, j'ai hâte d'être au riser. Ouais. Bébé, toi, t'es loin en arrière. Ben, écoute, les. Hey, c'est tough. Ouais, tu peux encore voir la grandeur, des... ça a l'air, ça s'en vient. Ouais, mais c'est ça. Même moi, j'ai enlevé ouais, le riser. Il est pas vieux, mais chubby, tu sais. Il manque juste la grandeur, on l'étire, tu sais. Exact, à toutes les soirs, un petit stretching. C'est tough, ça. Il y a des lois pour ça. Puis, il faut que t'aies un certain poids. Comme moi, ma fille, elle a pas le poids qu'il faut. Ouais, pour moi, ne pas gars, avoir de maigret, riser présentement. C'est une combinaison. C'est grandeur et poids. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça commence à être long, là. Elle a les pieds, c'est en arrière de ma tête, dans le char. Ouais. Curé. Ouais, c'est une grande mec, ta fille. Ouais, elle est grande, ça n'a pas de sens. Ouais, mon gars grand aussi, mec. Est mec, là, ça n'a plus rapport qu'il y ait ça. Non, c'est ça. Lui-même, il est comme gêné de s'asseoir là-dessus quand il a d'autres amis dans le char. Là, t'es comme... Ouais. Un petit gêne, tu sais. Ouais, je vais y enlever ça, man. C'est pas bon pour sa confiance. Ouais, exact. Fuck it. De toute façon, c'est vrai grave, hein? Ouais, une commotion est si vite arrivée, de toute façon. s'étranglera dans la ceinture. Bon. On allait parler de Super Mario Run. Oui, Super Mario. Qui est sorti enfin. Qui est sorti enfin. On est vraiment contents. Moi, j'ai fait les deux premiers t'as niveaux. Joué? Moi, j'ai sucré ça un peu. Après ça, je suis allé faire d'autres choses. Je sais pas, moi, j'ai aimé le feeling, en fait. C'était propre. Ouais, c'était bien propre. Là. J'ai aimé le... J'en parle un petit peu, mais j'ai aimé le nouveau twist de jump aérien. Tu sais, je trouve que ça ajoute une dimension. Tu sais, quelque chose vraiment. Que... Puis tu sais, c'est... Quel twist de repeser puis il fait des ronds. Le petit flip, là, tu peux étendre un petit peu ton saut, là. Tu sais, par rapport à un Endless Runner normal, tu sais, c'est la qualité, tu sais. Mon seul problème avec le jeu... C'est que j'ai joué à Rayman vraiment beaucoup avant sur mobile. J'ai du monde comparé avec ce jeu-là beaucoup. Puis Rayman est vraiment supérieur à Super Mario Run. Tu peux quand tu fonces dans un mur, tu t'en vas dans l'autre direction. Fait que tu sais, ça te permet beaucoup de choses. Ouais. Mais que ça, c'est Super un design, Mario Run. C'est un choix de design, exactement. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est dans Super Mario Run, je trouve que ça manquait, même si c'est un choix de design. T'sais, souvent, j'étais comme « Ah, Colin! Je peux pas le faire! » Mais, tu sais, c'est... Je trouve quand même, malgré toute la rejouabilité et tout ça, que Rayman est supérieur, mais c'est vraiment le fun, Mario Run. Moi, j'ai été déçu qu'on puisse pas garder les scènes mauves comme déjà attrapées puis concentrées pour essayer de toutes les battre. Ouais, il faut vraiment que tu aies les 5 tout le temps. Faut que tu recommences à toutes les ramasser à chaque fois. C'est un peu plate, ça. Ça me fâche. Tu sais, dans Mario World, il y a la grosse scène Yoshi. Ouais. Quand t'appognes. Exact. Dans tous les jeux, habituellement, que t'essayes de tout ramasser en niveau, un coup que tu l'as ramassé, c'est fait. Il reste quand tu refais le tableau, ceux que t'as pognés. Mais c'est juste qu'une fois que t'es tous pognés, là, ils disparaissent, puis ça redevient un. Ouais, mais faut que t'y repognes les 5. Si tu fais pas les 5, sinon ça compte pas. C'est ça. Ça dit que t'as réussi à en faire 3, mettons. Mais faut que t'y repognes les 3 quand même. Ouais. Bon. Fait que ça, c'est plat. C'est vraiment fâchant, moi. Puis bon, OK. Moi, sérieux, ça m'a fait un turn-off total, là. Ça m'a dit. Ah non, man, je veux pas prendre un niveau par cœur, là, tu sais, je veux comme... Je sais pas, ben moi, c'est ça que ça fait, ce jeu-là, c'est que tu veux, en fait, avoir la perfection. Fait que, genre, moi, je débarre pas des tableaux tout de suite, parce que, tu sais, je veux comme grinder puis les avoir toutes. Puis une affaire qui est poche, puis que c'est vraiment important de le dire au monde, parce que je me suis aperçu, quand tu veux l'installer sur ton téléphone, admettons que tes enfants, ta femme, whatever, elle veut le mettre sur son iPad, son iPhone, son iPod Touch, faut que tu te connectes avec ton compte à toi, ton compte Nintendo à toi. Il t'offre le choix de lier à un autre compte ou de mettre ça avec un compte enfant, whatever. Si tu fais ça, ça fait comme si tu avais le jeu de nouveau, mais que tu n'avais pas le jeu complet. Fait qu'il faut que tu rachètes littéralement le jeu pour chaque autre console. Sauf qu'une façon de bypasser ça, c'est de tout le temps te loguer avec ton compte Nintendo sur toutes les plateformes où tu vas le mettre. Puis à ce moment-là, ça va fonctionner. La seule affaire qui est différente, c'est que si ma fille, admettons, elle déborde un tableau ou elle va acheter quelque chose avec tout le cash que j'ai gagné, mettons comme elle a fait. Elle a dépensé à peu près 3000 cents à moi que je voulais pas dépenser. C'est un préambule, ça, pour l'adolescence. C'est ça, exact. Pose-moi dans mon char. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça se fait. Fait que, tu sais, toutes les games sont toutes connectées, en fait, comme si c'était une game, vu que ça marche vraiment avec Internet. C'est connecté sans arrêt. Fait que, tu sais, c'est un petit bémol sur le jeu, mais mis à part ça, moi, j'ai vraiment du fun. Je trouve ça enrageant, l'affaire des scènes. Mais en même temps, ça fait comme que, tu sais, si t'aimes ce genre d'affaire-là, ça fait que tu rushes puis tu veux l'avoir à 100% sans arrêt. Ça encourage une certaine compulsivité obsessive en nous. Là. Fait que, au moins d'avoir la mauve. T'sais, pas nécessairement d'avoir les deux autres après, parce que c'est fucking hardcore les deux autres. Là. Mm-hmm. Mais déjà que les tableaux, plus ça avance, c'est tough. Ouais. Là, les tableaux dans les airs, là, c'est rushant. Ouais. Mais écoute, on en parlera un petit peu quand même. C'est plus beau qu'un jeu de 3DS en passant. Ouais. Oui. C'était quasiment comme une critique, là. Mais... Ouais, quasiment. Hein? Ouais. Mais ouais, c'est graphiquement très joli. Ah, c'est vraiment plus beau qu'une 3DS. Mm-hmm. Là. C'est super cher. C'est vraiment bien. C'est bien balancé. Ouais, en plus, tu peux arranger ça dans les settings aussi. Parce qu'il rushait sur la plateforme de ma fille. Mm-hmm. Elle a mon vieux iPhone, qui est pas si vieux que ça. Là, c'est un iPhone 5. Fait que là, il fallait que je change la résolution, en fait. Ouais, ouais. Tu peux changer la résolution à base, puis ça run mieux. En, en fait, même temps, ça bouffe moins. Tu sais, si t'es rendu low battery, tu peux le mettre en basse résolution, puis ça mange moins de batterie. Tu l'as essayé, toi, parce que moi, je l'ai fait pour elle, je l'ai passé, puis j'ai pas checké ce que ça faisait. Ouais, ben j'ai checké un peu, là, parce que c'est une option pour aussi manger moins de batterie. Mais ouais. Il reste moins beau ou... Ouais, oui, c'est correct, là, mais. Moi, j'aime vraiment mieux la full version. Mais ça, je joue, c'est bien correct. Ça va ressembler à un jeu d'iPhone normal, tu sais, pas d'une grande compagnie, mais mais c'est correct. OK. Génial. Ouais, fait que c'est la critique de Super Mario Run. Ouais, c'est ça. Tu donnes combien d'étoiles, Nick? Moi, je donne un bon 4. Ouais, moi aussi, je donnerais un 4. Fait que, beau jeu. There you have it. Yep. Critique on the spot. Critique express. Ouais. Right. Ben, express, on a passé à peu près 10 minutes. T'es plus long que ouais, nos okay. Ah, c'est ça. Voilà. Zardoz. Fait right. que sinon... Moi, j'avais vu quelque chose passer. Ah, vous avez sûrement vu dans les derniers mois que Nintendo et Universal Studios se sont associés pour faire un parc d'attractions Nintendo en Floride. Ouais. Puis j'écoutais le podcast Destination WDW sur RZO, qui est un podcast qui couvre les nouvelles de Walt Disney World, dans le fond, ce qui se passe. Ouais. Ouais. C'est drôle, ça. Ouais, puis ils sont rendus à comme 450 épisodes, eux autres. Là. Un excellent podcast. Puis ils ont parlé que Universal avait déposé 2 brevets de manège pour, justement, pour le futur Nintendo Land. Mm-hmm. Puis j'ai pris des images parce que ça m'intéressait. Puis je vais vous montrer c'est quoi, sans vous en parler. Puis on va voir si vous êtes capable de guesser un peu. Fait que regardez la télévision. Ça, c'est le premier prototype, en fait, qu'ils ont déposé. Bullet Bill. Tellement, c'est quoi, non? Hey, c'est comme Mario Kart. C'est effectivement Mario Kart. Fait que là, on peut voir, mettons, la ligne dans le milieu, ça serait la rail, un peu, qui va diriger le kart. Fait que le devant serait fixé, le derrière serait lousse, fait que pourrait se déplacer de gauche à droite. 2 personnes dans ce manège-là. Puis j'ai lu qu'il allait avoir une interaction entre la personne en avant et en arrière pour se passer des objets qui vont pouvoir altérer l'expérience du manège, en fait. Donc, c'est carrément Double Dash qu'on voit ouais, là. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe. Mais faites vraiment en manège. Donc, ça, c'est leur brevet pour ça, pour Mario Kart. Là. Impressionnant hein, que t'as pogné ça. Pis, ouais, GF, quel Google, genre de connexion que t'as? Ah, écoute, moi, les patents, je regarde ça frénétiquement. Donc, j'ai juste tapé. La face d'un patent. Tout la face d'un patent. Je fais juste ça. Pis, le deuxième que j'ai, en fait... C'est lui qui l'a dessiné. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ils ont l'air terrorisés. Pouvez-vous trouver le jeu qui a rapport avec ce manège? C'est le jump de mini-kart quand t'es dans les mines? Ouais, dans Donkey Kong Country. Ah ouais, ouais. Donkey Kong. Fait que ça serait ça. Puis en fait, j'ai pas beaucoup d'infos sur celui-là. La seule info que j'avais lue, c'est que la rail en bas peut ne plus exister. Fait que tu pourrais descendre sur une sous-rail en dessous. Ce qui fait que ton kart va monter, descendre. Fait que d'après moi, ça s'enligne vers du Donkey Kong, ça. Ouais. Dans les mines. C'est un peu peur, hein? Ouais, wow. Hein? Ça doit être assez cool, là, un manège, hein? Enfin, ouais, j'ai hâte de voir ça. Le matériel, il est là. Le Mario Kart m'a vraiment impressionné, mais ça aussi. Fait que tu remets du remplissage alentour, puis. Des bananes, puis des feuilles, puis la musique. Mais rien qu'une photo de Donkey Kong sur le kart, moi j'embarque, là. T'as juste besoin de ça, sérieux. C'est en masse, là. Fait que c'était vos nouvelles Universal Studios pour l'année. Moi j'espère que les décors vont avoir l'air du petit vidéo, là, de la vision, là. Ouais. Tu sais, les décors avec les cubes bombés, puis ça se peut, le pire, parce que le budget qu'ils ont là-bas, ça n'a pas de bon sens. Ah oui. Ça me surprendrait que ça soit lit. Oh, ça va être fantastique. Ça va être merveilleux, je sais. Ça va être beau. Moi, j'espère juste qu'il va y avoir un kart avec la face de Reggie au bout. Pour rentrer dans le hype train. Ça va être malade, man. Un vrai hype train vrai là. Ah, ouais. Tu reçois des piastres dans C'est ça. It prints money, ça serait hot. Ah, it prints money. 3DS, tu t'envoies du cash en face. Ah, man. Tu l'attrapes, man. Ça tourne. Ouais, c'est ça, ça comme tourne. Une cage d'argent. T'essayes de l'attraper. C'est plus big que quand Richard Séguin était allé à Thetford. Thetford! Check. Il y a un bel amphithéâtre pour vrai à Thetford autour du terrain de balle. Là. Il y a comme des estrades fucking géantes là, pour Thetford. Ça n'a aucun fucking rapport. Mais c'est spectaculaire. Là. Vous allez voir ça si vous passez par Thetford. Ça, et le musée minéralogique. Et le gros trou à Black Lake. Moi, je pense qu'on devrait communiquer avec Tourisme Thetford. Oui, hein, sérieux? Eux autres, ils reçoivent des clics sur leur site web. Ils sont comme, what the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? donnant des rivières d'argent du gouvernement comme subvention. Tu ne sais pas quoi faire avec. On est là, nous autres. On aimerait ça en profiter un petit peu. Ça, c'est comme quand Desjardins, style Lulu, ça avait monté. Ah ouais, on avait tout des ristournes. Eh oui, les ristournes, ça n'arrêtait plus. Non, mais vous riez, mais l'autre fois, j'étais au bar l'après-midi, on recevait l'arcade NBA Jam. Il y a un gars qui est venu me parler, tout ça. Il me disait, t'es propriétaire, ouais. Là, il me dit, je viens de Thetford. Là, j'étais, waouh, t'es sérieux, là, c'est donc bien hot. Puis on s'est mis à parler de Thetford. Hey, Thetford, ce qu'il y a de drôle avec ça, c'est que même si la ville, on dirait qu'elle est en train de mourir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurship là-bas. OK. C'est comme si le monde sont comme, on s'en dit, ça va faire, là, il faut qu'on fasse de quoi, sinon on devient une ville fantôme, tu sais. Puis tout le monde essaye de se trouver des business pour faire de l'ouvrage. Oh, ouais. Fait qu'on rit bien, mais ça travaille fort là-bas. Ça se passe à Thetford. Rester en vie. Puis il y a de la tire-en de la graine de... Je sais pas c'est quoi l'expression. Tire-en de la graine, gamin. Tire-en de la graine. Moi, j'aimais beaucoup l'expression « graine de canaille ». C'est quoi, ça? Mais je sais pas, c'était un film quand j'étais jeune, c'était « graine de canaille ». C'est juste quand tu vas grandir, tu vas être une canaille, là, dans le fond. C'est là. Ça? Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que « graine de canaille », c'était comme... Non, c'est pas ce que tu penses. Graine c'est de un moron, plan, là, c'est tellement un pas cave. Ce que tu penses. Je pensais qu'une canaille, c'était un peureux. Non, canaille, c'est un méchant. C'est un méchant. Un bully, un coltailleux. Coltailleux. Tout ça, là. On va commencer le show. Il faudrait commencer. On va mettre les chips. Les chips Canadian Tire. Il y en a une grosse tabarnak pour Nicolas. On va faire, dans le fond, vos positions 10 à 6. Tellement de cheddar là-dedans. Est-ce qu'on y va une personne à la fois? On a chacun 10 positions. Ouais. On fait de 10 à 6 comme en 2 minutes chaque jeu. Tac, tac, tac. Ouais. Après ça, après la pause, on fait des tours de table pour chacun nos top 5. C'est le top 10 des jeux auxquels vous avez joué cette année, en fait. Là. Exact. Exactement. Voilà. C'est pas obligé que les jeux soient sortis cette année. Ouais. Mais c'est les jeux auxquels on a joué cette année. Puis c'est très difficile à chaque année. C'est top. Moi, je passe en au travers de tous mes jeux. Je suis comme, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Je regarde tous les épisodes, qu'est-ce qu'on a mis dans un show, tu sais. Puis il y a plein de jeux que j'ai fait au travers, puis que je, sans le mentionner ici, tu sais, que j'ai eu du fun, fait que c'est vraiment... Il y a des jeux aussi que t'as joué genre en janvier. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est tough. Là, des fois, je suis comme, ah merde, c'était-tu fin 2015, tu sais? Ouais. Donc, voilà. Quand est-ce que c'est sorti Mario 3? Quand est-ce que j'ai joué à Mario 3? Je suis tout le temps sous, je me souviens de rien. Fait qui va commencer? Tout un gros blur dans ton cerveau. Oh, regarde, il y a tout un Gaussian blur. Gaussian. Des jokes de... Jokes de graphiste! Ben écoute, veux-tu commencer, Bruno, vu que t'es plus vieux? On va partir le petit gratuit, c'est vrai. Ben oui. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y, Bruno. Fait que je commence... Mon 10e jeu, c'est l'incroyable Stories de Path of Destinies. Ça, c'est un jeu qui a été développé par des Québécois, des Montréalais, Spirit Games. Puis c'est vraiment un jeu qui est palpitant. J'en ai parlé ici à Rétro Nouveau brièvement. Puis c'est un jeu, moi, qui m'a pris de court parce qu'en fait, c'est comme un action RPG. C'est un jeu indépendant, donc t'sais, on s'attend pas à grand-chose de cette affaire-là, mais le système de combat est écœurant, le système d'amélioration est écœurant, et l'histoire comme telle, c'est vraiment fantastique. Ça s'appelle Stories parce qu'il faut que tu découvres plusieurs chapitres à l'histoire. Fait qu'en fait, tu peux être le bon dans un chapitre, puis le méchant par la suite, puis prendre différentes voies pour finir le chapitre, en fait, à ce grand livre qui est le livre Stories de Path of Destinies. C'est vraiment, vraiment bon. Il est gratuit présentement sur PlayStation Plus. OK. Plus. C'est vraiment de la bizarre. Il va disparaître demain, dans le fond. Ah, shit! Attends, non. Décembre, bon. Décembre. Mais, tu sais, il est gratuit sur PlayStation Plus. Si vous avez PlayStation Plus, téléchargez-le. Mais sinon, achetez-le sérieusement. C'est vraiment une valeur sûre. Puis les gars qui ont travaillé là-dessus. Les gars de 17. Ouais. Exact, le talent d'ici. Moi, ce jeu-là, j'ai pas eu... je l'ai payé, ce jeu-là, puis c'est vraiment très, très, très bon. Je joue encore, je veux débarrer tous les chapitres. C'est de la bombe. Je passe maintenant au 9e. Titanfall 2! Uh-huh. Ouais, Titanfall, Colin, c'est pas... vous voyez jamais des gros jeux de guerre dans mes tops puis mes affaires, mais là... C'est vrai. Eux autres, c'était Vanquish. Ouais, c'est Vanquish. Vanquish. Yes. Voilà. Off-guard un peu. Mais non, c'est ça. Titanfall 2, en fait, ce qui était le fun, c'est que la campagne solo amène tellement d'idées nouvelles pour le genre. J'ai jamais vu ça. Juste le traverser dans le temps puis t'en servir comme une arme puis comme une stratégie. J'ai vraiment trouvé ça malade. Toutes les affaires avec les mechs, c'est très intéressant. Mais j'ai trouvé que même quand t'es pas dans ton mech puis que t'es à terre, le platforming est super bon. J'avais joué cette année à Mirror's Edge Catalyst. Ouais. Puis j'ai eu plus de fun avec celui-là pour faire du platforming. Alors que c'est pas ça la base du jeu. Je veux dire, ça va beaucoup plus loin que ça. Fait que juste pour la campagne, moi je trouve que le jeu vaut vraiment la peine. C'est sûr que bon, pour un achat, peut-être pas, là, mais tu sais, louez-le, puis il y a du fun. De toute façon, il y a juste moi qui aime pas ça, le multiplayer online. Ouais. Fait que je dirais au monde, sérieusement, si vous voulez un first-person shooter qui est différent, puis qui essaye des choses, puis qui a pas peur d'essayer des choses, essayez ça, c'est vraiment bon. BF1, c'est crissement bon, mais Titanfall 2, pour moi, innove. Après ça, le 8e. The Last Guardian. La critique vidéo qui est sortie d'ailleurs aujourd'hui même. Oui, critique vidéo qui est sortie aujourd'hui même. J'ai donné à The Last Guardian 3.5 étoiles sur 5. C'est un jeu qui aurait pu aussi se retrouver en 9e ou en 10e position. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est terriblement important parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Je suis un gros fan de Team ICO parce que j'ai beaucoup aimé ICO malgré le fait que c'était un peu broche à foin comme jeu, mais je l'ai vraiment aimé. C'était une belle expérience. Shadow of the Colossus est un de mes meilleurs jeux de tous les temps, d'après moi. Puis The Last Guardian suit dans la même veine, mais il y a des bugs techniques, il y a des petits problèmes avec ce jeu-là. Des problèmes de caméra, des problèmes de contrôle. Mais malgré tout ça, quand on fait le jeu au complet, ça reste quand même un jeu qui est vraiment très intéressant. Puis vous verrez jamais ça, un jeu comme ça, nulle part ailleurs. Ouais. Ça n'existe pas, l'espèce de relation que tu développes avec un animal. C'est comme un animal de compagnie. C'est comme apprendre à ton chien à te ramener le bâton ou quelque chose. Ça va peut-être prendre un Christy de bout, mais quand tu vas l'apprendre, tu vas le réussir, puis il va avoir un lien avec toi. Vous allez vous attacher, puis tu vas lui dire « Tipit ». Je t'aime. Avec le PlayStation Eye. Ouais, avec le PlayStation Eye. Bruno debout dans son salon. C'est ça. Flatté virtuellement une créature. Je t'aime. Je l'imagine. Mais ouais, j'ai été ému. C'était quand même un jeu important, un très bon jeu. Combien d'heures de gameplay? Là-dedans, moi, je te dirais que tu peux le faire en 8 heures. Okay. Mais moi, je me suis creusé la tête puis j'ai demandé à Trico d'avancer des fois 10, 15, 20 fois, puis il le faisait pas. Trico? Ouais, Trico, c'est son nom. Ben, en fait, c'est Trico qu'on pourrait dire nous autres, mais dans le jeu, il fait Trico! Fait que tu sais, il dit Trico! Fait que tu sais, il dit tout croche. Ok. C'est un peu. Il dit à la japonaise, en fait. Ok, ok. Ouais. Nick, je suis correct. Japonaise. Oui, oui, c'est à la japonaise. Correct, ouais. Check avec Toriko. Toi, t'es le plus nippon de la Toriko. Gang. Ah, c'est vrai, hein? Trico! J'ai écoulé le chaperon là! Fait que. J'adore ça. Non, comme ça. Dis-le encore. Ouais, hein? J'ai écoulé le chaperon. Ah oui. La chapelle de chaperon. La chapelle de l'or. Faut tout le temps que tu rajoutes des lettres. Ouais. J'ai sous elle de poulet. Fait que. Septième position. Allez voir ma critique en passant pour The Last Guardian. Ça, c'est quoi ça? Et allez voir ma critique pour Abzu. Ne faites pas comme Dominique. Allez voir toutes nos critiques. Ignore. Mais Abzu, en fait, là, c'est... C'est vrai que je regarde rien de ce qu'on fait. Je suis vraiment de la merde. Ben non, mais t'aimes le rétro. Je devrais faire ça le vendredi soir ouais. quand il n'y a rien sur Netflix. Tu claques une coupe de critiques, tu dis « Ah, ça, on me prend plein d'updates, ça, avec fuck ton off. » Porto 25 ans et tes petites pantoufles en latex. Oui, ouais, hein. En latex. Non, on est bien fétiches à la maison. M'habille en latex, tout le temps. Des pieds à la tête, tout le vendredi soir. Tout le temps, façon d'avoir chaud. C'est l'été à 38 degrés. Ouais, surtout. Ah ouais. Des cloques là-dedans. Dégueulasse. Fait que Abzu, c'est le premier jeu dans ma vie auquel j'ai joué en dessous de l'eau sans arrêt puis que j'ai aimé. Je veux pas dire que moi j'étais en dessous de l'eau, mais le personnage. Fait que t'as pas aimé Echo the Dolphin. Et dans l'eau. C'est ça? Fuck Echo the Dolphin, sérieusement. Là, il est tellement overrated ce jeu-là. Je l'ai aimé, mais il se passe fuck all dans Echo the Dolphin. C'est dur, man. C'est compliqué. C'est tough. Tu comprends un dauphin. Sérieusement, ouais, tu sais pas où aller. Non, mais rejoue maintenant, là. C'est sûr que tu fais fuck this game. J'ai pas joué comme adulte, mais dans le temps, c'est wow, c'est bon. Ouais, ça va vite. Il plie le dauphin, tu sais. Moi, j'ai rejoué il y a une couple d'années. De la merde, j'étais un homme, puis je fais ce jeu-là. Oublie ça. C'est pas. J'avais pas d'énergie, là. Pas terrible, écoute. Mettre là-dessus. Fait que c'est ça. Abzu, en fait, là, on pourrait dire que. C'est le Journey 2, en fait. Okay. Ce jeu-là, pour moi, a la même qualité que Journey. Il peut t'amener dans un univers émotionnel incroyable, une expérience émotionnelle, parce qu'en fait, c'est vraiment magnifique. Tu te promènes... Ah, là, excuse, t'as comme fait des bulles. En même temps que... non, je... c'est vrai. Je veux pas te mettre. Non, je suivais la toune de McKiss qui joue en faisant des... avec ma bouche, c'est vrai, ça faisait le bruit des poissons. Ah, c'est... Mais c'est ça, en fait, c'était vraiment un jeu qui était assez contemplatif. Mais j'ai joué à ça en une shot, j'ai tellement eu du fun, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça bon, c'était pas compliqué. Le gars qui a fait le jeu, il a travaillé la caméra comme un malade, puis il a fait une thèse sur la caméra dans les jeux vidéo. Wow, okay. Il en a fait comme son cheval de guerre, puis... Je trouve ça écœurant. Tu peux même rechercher là-dessus le créateur. Il parle de caméra et de l'importance d'une bonne caméra. Puis que lui, s'il sort un jeu, il veut absolument que la caméra soit bonne parce que ça ruine toutes les expériences de jeu de nos jours. La caméra est souvent mise un peu trop de côté ou un peu trop en fin de développement, d'après lui. Bref, très bon jeu. Allez voir ma critique. C'est de la bombe. Achetez-le. Ça coûte quasiment rien. Puis ça... encourage les développeurs indépendants. Nice. Pendant que Elite Troll dans le chatroom, il dit Journey au 2100, il me semble que c'était pas si bon que ça. Non, c'était bon, man. C'est juste qu'on savait pas qu'est-ce qui se passait. Ouais. Tu recevais des managers d'en face, des groupies, puis des cerises. Puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça, tout ça, Steve? Je pense que Bruno parlait de Journey au PS4. Des cerises. Ouais, des cerises. Ah ouais, c'est sûr. Ça, c'est à cause de ma joke de végétarien tantôt. Ah, il l'a pas pris. Elie, il l'a ça, pas pris. Ça, puis son Final Fantasy, on le tease. Là. On sortira d'autres jokes tantôt de VSI d'Orignal. Là, puis... OK, le numéro 6. Des jokes de Vessi d'Orignal. Kirby Planet Robobot. J'ai vraiment, vraiment capoté ce jeu-là. Il était cool. Il était vraiment cool. Puis moi, j'aime ça, les jeux bien colorés et bien japonais. Puis Kirby, je trouve que c'est la parfaite balance entre le trop facile puis normal. Tu sais, t'as jamais trop de difficultés dans ce jeu-là. Tu joues, t'as le fun, t'as du fun, t'es bien. Mais là-dedans, il y avait justement un meilleur défi à cause qu'il y avait plus d'étoiles à ramasser, puis ça te forçait quand même à refaire les niveaux. Je suis en train de le refaire à 100%. Okay. C'est le premier Kirby que je fais ça. Normalement, j'y reviens à mes Kirby, mais pas autant que celui-là, parce que celui-là, à cause du truc de robot puis tout ça, il y a plein de choses à débarrer. C'est vraiment un bon Kirby avec des bonnes batailles puis tout ça. Je rêve encore d'un mode plus difficile dans Kirby qui ont... toujours pas voulu mettre. Mais sinon, c'est vraiment génial ce jeu-là. Sérieusement, je trouve que c'est... À mon avis, c'est le hit de Nintendo cette année, Wii U 3DS. Moi, c'est là que je mets mon argent. J'ai trouvé vraiment bon. Je l'ai essayé un petit peu. Je l'ai négligé, ce jeu-là. Mais il était bon. J'avais une bonne expérience. Ouais. J'ai pas eu le temps de jouer. Puis... Je néglige beaucoup de Kirby, moi, sérieux. Je les achète. Je suis comme, yeah, Kirby, c'est cool. J'adore ça. Puis finalement, je joue. Puis là, là, je fade out tranquillement. Puis j'y reviens pas. C'est parce que je trouve qu'il y a de la profondeur. C'est, bon, c'est comme des bonnes pantoufles. Ouais, c'est réconfortant, Kirby. Ah ouais. C'est tellement joyeux. Là. T'as la pire journée au monde, tu joues à Kirby. Ah c'est fantastique. C'est ça, mais mettons, ça a Epic Yarn quand il fait froid, tu sais, avec un Snuggie. Ce jeu-là est malade, tu sais. La musique, là, je l'écoute en loop. Des fois, il y a des mix de genre une heure sur YouTube. Là, c'est vrai, c'est vrai. Ending, hein, c'est une bonne idée, ça. Mais c'est vraiment bon, tu sais. Ouais, c'est vraiment mais bon. C'est ça l'expérience. Il est sous-estimé, Kirby, en fait. C'est comme le underdog de Nintendo. Je pense que oui, tu sais. Il est là. Le monde n'en parle pas tant que ça. Il revient tout le temps, tu sais. Fait que c'est cool qu'il revienne. Il y a un jeu par année, genre. Ouais, exact. Quasiment. Ouais. Fait que c'est ça pour mon top 10 à 6. Take excellent. It away, Dominique. Oh! Je vais aller dans mon Google Docs. Tu peux juste regarder l'écran, tu vas aller voir, sinon... Eh hey, ben oui, câlisse. Hey, ça va te rappeler, il y a de la Jean-François. Jean-François. Jean-François. Numéro 10, un jeu qui, me semble, je n'ai pas parlé ici à Rétro Nouveau, parce que c'est un... Ben, je l'ai fini chez nous, entre deux... Puis, c'était pas prévu que je le finisse si rapidement. Ouais. Batman Return of the Joker au NES. Faisait longtemps que je voulais jouer à ça. Ouais. C'est un genre late release, si on peut dire, de Sunsoft. avec une musique incroyable, super bien fait. T'sais. Puis moi, les jeux de Sunsoft plus récents, comme Super Spy Hunter, Euphoria, ça c'est juste sorti au Japon, puis PAL, je pense, mais c'est tout bon, là, c'est tout hot. Fait que ce jeu-là, j'avais hâte de l'essayer parce que aussi Batman là-dedans, il tire du gun. Comme, t'as comme un gun avec 3 ou 4 sortes de ammo. Fait que tu upgrades et puis that's it. C'est bon. Ton sprite est super gros. Ça, c'est du NES, c'est beau. Là. C'est vraiment du NES. Beau. C'est du magnifique NES. La musique est très bonne, tout ça. Il y a des gargouilles, est-ce que? Chris, oui. Il y a des tanks, il y a des gargouilles, il y a des poches de sable. Et puis, non, il y a bien des affaires, pour vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, ça aurait pu être n'importe qui à la place de Batman. Ça aurait été un jeu très bon. Ça n'a pas rapport à Batman là-dedans tant que ça. Peut-être comme pour Silius, en fait. Là. Ouais, peut-être même, aussi. Peut-être le même procédé. C'était un autre jeu, puis c'est devenu ça. Ils ont crissé Batman dessus. Parce ils ont fait Sunsoft l'inverse. Aussi, en fait. Ouais, c'est Sunsoft aussi qui avait fait le jeu Terminator, puis ils ont enlevé Terminator dedans, puis ils ont mis un petit gars, puis ils ont appelé ça Journey to Silius. Ouais. Là, je pense qu'il y avait un jeu en backup, puis là, ils se sont fait dire c'est un autre Batman. Parfait. Reskin. Mais c'est ça, le boss fight là-dedans, c'est très différent. Quand t'arrives au niveau, là, d'un coup, il y a ton ennemi puis toi, puis vous avez comme un live gauge qui monte. Comme Megaman. Comme Megaman. Puis là, vous vous tabassez là, pendant très, très, très longtemps. C'est ça qui est un petit peu turn-off de ce jeu-là. Okay. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu pénible parce qu'il faut, surtout si t'arrives avec un mauvais gun, là, faut que tu pitonnes comme un hostie de malade. Fait que ça te scrappe le bras. Donc, mais très, très, très beau jeu qui va valoir... Là, c'est genre 80, ça, à peu près, présentement. Ouais. 60 à 80. Ça va valoir 100$ en 2017, je suis sûr. Garochez-vous là-dessus. Très bon jeu. Pas un jeu comme... Tu sais, je l'ai fini le même soir. Les niveaux sont pas longs. C'est, c'est correct. Très beau jeu. Mais, tu sais, comme... Je vais pas virer fou avec ça. Non, c'est ça. Voilà. Bon, là, en 9e, j'ai mis Gunbird au Sega Saturn. Parce que, je sais pas, man, c'est venu me chercher ce jeu-là. Oui. J'ai joué à beaucoup de shmups cette année, des très bons. Et puis, celui-là, il m'a comme juste fucking rendu de bonne humeur. J'étais comme, bon, on va essayer ça. Puis, je suis tellement rentré dedans tout de suite, les petites princesses, les petites sorcières, puis tout. Puis, les personnages sont intéressants. Ça joue comme Strikers. J'adore ce gameplay-là. Simple, efficace. Sérieux, moi, ça m'a plu au bout. Puis ça m'a poussé à l'essayer aussi chez Arcade Montréal, un peu plus Gunbird 2 à l'arcade. J'aimerais bien l'avoir au Dreamcast. Ouais, c'était cool ça. Ouais, c'était très bon. Donc, excellent shmup, mais je peux pas vraiment le mettre si plus haut que ça non plus. Tu sais, il est pas. Il réinvente rien, mais tu sais, c'était un bon. Ouais, c'est un bon plat, là, bien réussi. Ouais. Comme un pâté chinois, mais. Mais avec du bacon dessus. Oh! C'est pas juste générique. C'est tout ça. Ah, c'est le fun. Ça. Ouais, gratuit. T'as-tu déjà mangé ça, du pâté chinois avec du bacon dessus? Non, mais. C'est hot! Je vais essayer d'en parler à ma blonde. Ouais, moi, je pense que je vais en parler. Là, guys, je suis capable de faire du pâté pour chinois. Pour 2017, manquez pas. Le livre de recettes rétro nouveau, ça s'en vient. Il n'y aura pas juste des recettes avec des Doritos. Là, on commence à étendre un petit peu nos avenues. Nos avenues. Des pogo maisons. C'est une bonne idée, ça. En préface du livre de Dom, pognant un arbre avec le sac. C'est le fameux. La délicatesse de pogo finger. Des manettes graisseuses, ça, c'est quand même. Huitième. Jackie Chan's Action Kung Fu, j'en ai parlé sur le show. Mais hein, c'est un très, très bon petit platformer que tu fais du Kung Fu. Hein? Il n'y a pas d'armes ni rien, de la merde. Il y a un tigre. Tu pognes dans ta... Hein? Il y a un tigre qui vole. Oui, ça, c'est un ennemi, ça. Mais t'as des attaques spéciales que tu ramasses, que tu crains avec le temps. C'est magnifique. Le paysage, le sprite, très, très, très beau. Il est gros, le sprite, c'est comique, mais on s'y habitue. Le gameplay est tight. La musique est très très bonne aussi. Oui. Il y a une version de ça au Turbo Graphics 16 que je n'ai toujours pas pu essayer encore, mais je suis sûr qu'il est excellent. Ils ont fait la version NES avant, puis après ils ont fait une version Turbo Graphics 16 boostée. Elle est plus belle, c'est fait ça. Ouais, plus belle. Okay. Elle doit être un petit peu plus complète, beaucoup plus difficile aussi. Ouais. J'ai fini ce jeu-là rapidement, moi quand même. Ben, rapidement. Deux shots, en laissant sur pause. Là. Quand même. Puis, mais j'ai adoré. Là, ça, c'en est un autre jeu présentement, pareil comme Batman qui vaut 60 à 80 $. OK. Puis je me demande s'il n'est pas déjà passé le 100$. Donc ça, ça monte vite. Là. Ça, c'est tout dans le même game là, que les Power Blade. Puis tous les bons jeux de NES qui sont en dessous, juste en dessous du cap des 100$. Ouais. Ça vaut la peine. Shit. Yes. Impossible. Voici un autre excellent jeu NES qui, lui, a passé le cap des 100$ depuis longtemps. Dragon Fighter. C'est une belle pochette, ça. Yeah. Ah, c'est laid. On dirait Fabio mal dessiné. Tu sais, c'est comme Fabio mélangé avec Gohan. Ah ouais? C'est beau. C'est du Gohan, le chanteur. Un super saigné déchu. Ouais, le chanteur. Les propriétaires de la cassette rouge pourront essayer ça là-dessus. Je pense pas que j'en ai parlé sur le show. Non, t'en as jamais parlé. J'en ai peut-être parlé un petit peu, mais pas en critique officielle, me semble. Fait que t'as un dude avec une épée, t'avances, tu bashes tout le monde, et puis tu peux te transformer en dragon at will, là, avec une gauge. Là. Ah ouais? Et puis, j'en ai parlé. Ouais. Et puis, le gameplay est très bon. Musique excellente. C'est fait, en fait, par Natsume. Oui. Mais c'est développé par Natsume puis publié par Soffel. Soffel ont publié juste des jeux de merde, sauf ça. Ouais, c'est ça. Mais tu reconnais le Natsume en arrière de ça. Ouais. La musique, tout, là, c'est malade. Excellent jeu NES. Très cher, là, 350$, genre. C'est un jeu de collection. Là, tabarnak. Donc, c'est pour ça que je dis cassette rouge. Ouais, hein? La meilleure option. Tous les jeux que je vous parle depuis tantôt, ils sont pas mal tous à cassette rouge, d'ailleurs, il me semble. Les jeux de NES, donc cassette rouge 25$ sur AliExpress. Gâtez-vous, ça vaut la peine. C'est quoi ça, la cassette rouge? Parlez-en d'or pour les gens qui sont néophytes. C'est une cassette qui s'achète sur le AliExpress. Elle est rouge avec un label genre bleu. Mm-hmm. Puis il me semble que c'est 250 jeux en un. Mais Ouais, je sais mais 200 ou 150 jeux comme ça n'est que c'est des gros bons jeux. Là. OK, tous les jeux chers, toutes les Castlevania, toutes les Ninja Gaiden, Panic Restaurant, es-tu là-dessus, je me rappelle plus, Little Samson, ça. OK, Flintstone. Ouais, Flintstone 2. N'importe qui peut commander ça. Ouais, 25$ je suis payé inclus. Mais là, il y a un léger risque que tu fuck ta NES avec ça par contre. Ouais, on m'a dit que le voltage là-dedans, le voltage est un petit peu fucké par rapport à il est trafiqué ou il y a quoi de pas à correct, l'original d'une cassette là, mais tu sais c'est arrivé à personne. À vos risques et dépens. En même temps, un NES, c'est un NES. Ça vaut pas grand-chose. Moi, je joue dans un top loader modifié. Genre, ça vaut plus cher, tu sais. En tout cas. Space Power, un fantôme japonais qui sort de la NES, mange les enfants. Police! Qu'est-ce? C'est ça. Ringus. Il y avait un disclaimer en bas. May eat your children. Il fallait le lire. Calice. Il y a Patrick Gauvin dans le chat qui dit que la cassette rouge lag. Je sais pas s'il parle de ça, mais j'ai pas eu ce problème-là, moi, personnellement. C'est les jeux qui laguent originalement. T'sais. C'est pas la cassette elle-même qui invente du nouveau lag dans des jeux qu'il n'y en avait pas auparavant. Là. Du moins, il me semble. Mais faudrait que j'essaye un jeu que je t'habitue là-dessus. Parce que là, si... excuse-moi, on s'écarte, là, mais EverDrive, parce que j'entends souvent parler de EverDrive, puis justement, pour les néophytes, EverDrive, est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve sur toutes les consoles ou c'est juste... Dans le fond, on utilise le terme EverDrive pour désigner... Des flashcards, dans le fond, ça, Insère une SD card ou une SD card avec des ROM dessus. OK, je sais pas c'est toi comme une qui installe quelque chose sur une EverDrive. C'est toi qui fait des l'EverDrive, il y a comme une craque dessus, là, travailler pour te mettre pour pouvoir rentrer une SD card. OK, OK. Fait que tu mets toutes tes ROMs sur ta SD card, puis là-dessus. Ça, c'en est une, mettons, de DS. OK. C'est les flashcards de l'époque qui étaient tellement populaires. C'est une micro SD qui va dedans, là, tu peux les mettre dedans. C'est un genre d'émulateur sur ta carte SD ou micro SD, ouais. Des fois, ils donnent le choix pour les deux. Ça dépend. Mais quand tu parles d'EverDrive, c'est comme une qualité supérieure. Mais ça, c'est ça. Donc, tu mets tes propres ROM que tu possèdes, bien sûr, physiquement. Que tu as backupé de la cassette originale. Ouais, c'est ça. Parce que toutes les jeux, pas les mettre. Toute la règle est là. Exact. GF, il y a 4000$ de jeu. Ouais. Juste là. Ah, mais c'est pas moi, ça, là. Quelqu'un a oublié ça ici. Quelqu'un a oublié ça. Prochain jeu. Ferdinand Social. C'est Ferdinand. C'est Ferdinand, il est passé par ici. Yoins. Ah oui, l'excellent Astro Boy Omega Factor. Là, on est rendu à quelle position? 6. Donc, ma dernière position. Ouais. Il aurait pu être dans le top 5, là, je dirais. J'ai aimé ça. J'ai trouvé ça un petit peu répétitif, par exemple. Ouais. C'est un jeu magnifique, excellente musique, jeu de treasure. Tu le sens, tu sais, dans l'action qu'il y a là-dedans. La beauté des sprites. On le voit même à l'écran, là, ici, présentement. Là, c'est super bien fait. Très beau. L'histoire, c'est fascinant. Pour les amateurs d'Astro, il y a tout l'univers au grand complet, tous les personnages de Astro là-dedans, ou en très grande partie, à ce qu'on m'a dit. Moi, je connais pas beaucoup ça, Astro. Mais c'est vraiment complet, du fun à avoir avec ça. C'est un jeu qui commence à prendre pas mal de valeur aussi. Et ben, puis, il est pas achetable, man. Ben, c'est pas si pire. Moi, j'ai acheté le mien 40$ complet au Game Over à Saint-Hubert. Je l'ai vu à 70. C'est un très bon moi, jeu. Je le cherche présentement, je l'ai juste vu à 70. Ouais, c'est ça. Non, c'est un jeu qui monte. Mais okay. C'est un super fun jeu d'action. Un peu répétitif. Quand t'arrives à la fin, il faut que tu refasses le jeu au complet. Ouais. T'sais, ça m'a comme fait chier. Là. Ça me tentait plus. À quoi ils pensent? T'en veux pas de la replay value. Là, c'est pas du replay value ben, de leur trisser la même affaire dans la face. Là, t'sais. Ouais. Ouais. Mais, Game A, Game B. Fuck Game B. Exact. T'sais. Le Master Quest de ça. Ouais. Fait que c'est ça, man. Ouais, ouais hein, New Game Plus. Ouais. Ma blonde vient de se joindre au chat. C'est vrai de la minute que je finis mon top. Elle va pouvoir me voir manger quelques croustilles. All right. Bravo. Fait que take it away, Nicolas. Vas-y, yep. Donc, moi, je vais commencer avec mon numéro 10. Voilà. Pokémon Go iOS. Donc, oh, monsieur. Écoute ça là, pour le phénomène. Good job. Moi, j'avoue que t'sais, j'ai été un de ceux qui ont switché pour pogner le Apple Store US pour le downloader quelques jours avant pour l'essayer, tu sais. Un voleur. J'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, j'ai pas joué aussi longtemps que toi, Dom, qui joue encore, là, qui grind encore. Mais j'ai vraiment une super expérience. J'ai investi 20$, tu sais. Puis, pour le fun, tu sais, de voir ce qu'il pouvait faire avec la franchise dans le monde réel, tu sais, c'était vraiment super. Tu sais, j'arrêtais en bicycle, tu sais. Je me promenais en vélo, j'allais travailler. J'arrêtais avec tabarnouche et un Jigglypuff, tu sais. Avec Pokémon Go, ça te rend beaucoup plus de temps de te rendre au point. Oui, ça au point A, un point, un point B. T'arrêtes pour tout, mais tu regardes pas le paysage. Tu regardes. Ouais, sûrement. Hey, moi, je vais au bar, puis là, rendu au métro Frontenac. Oh shit, il y a plein de Pokémon autour du métro Frontenac. Là, je marche jusqu'au bar, mais là, il y en pop tout le temps parce qu'on est dans le quartier latin. Tu sais, ça me prend comme 10 minutes de plus à me sur mon heure de lunch, tu sais, il y a des jeunes qui popaient les appâts, tu sais. Fait que dans les centres d'achat, puis il y avait des paquets de foule de jeunes qui étaient là. J'essaie de farmer en même temps, tu sais, mais pour faire semblant que je suis jeune encore. Ouais, c'est ça. Mais beau jeu, le fun, bon timing, puis ça a montré. Il y en a qui n'aiment pas ça qu'on l'appelle réalité augmentée. Ouais. C'était quand même un peu ça. C'est pas mal que, ça. Beau potentiel. J'ai hâte de voir. Un jour, il va sûrement avoir un 2. Là. Ben là, il commence à réinjecter des nouveaux Pokémon présentement. Ouais, mais ils mettent beaucoup de nouveaux features, mais en tout cas, on va voir où ça va aller. Mais il y a des updates régulièrement, sérieux. Puis ils ont vu qu'il y a beaucoup de monde qui ont décroché. Fait qu'ils récompensent un peu plus. Ouais. Ils rajoutent des Pokémon. Fait que. T'as des streaks à Star aussi, là. Si tu cherches des Pokémon plus qu'une journée en ligne, ça donne des bonus. À chaque jour, si tu fais un Pokéstop, rendu au 7e, ils te donnent des items et de l'expérience. Pareil pour si tu pognes un Pokémon à chaque jour. Ouais, ouais. Puis ils reconnaissent aussi des affaires simples. Comme, mettons, on va pas en parler pendant des heures, là. Mais mettons, t'as plein de Pokémon que tu vas envoyer chez le docteur, là, chez le professeur, parce que t'en as trop. Avant, il fallait que tu cliques sur chaque, que tu ailles dans l'onglet, tu fasses envoyer au professeur. Maintenant, tu peux toi en sélectionner 100 d'un coup, swing, toutes les envoyer au professeur d'un coup. Oh. Tu sauves plein de temps. Là, ouais, mais tu sais, dans le fond, ce qu'on a eu au début, c'est une version bêta pour tester un peu le marché. Puis là, ça commence à une version finale. Mais c'est devenu un phénomène culturel, cette affaire-là. Fait que c'est quand même assez important. Et en parlant aux nouvelles, tu sais, à partir du moment où ils parlent aux nouvelles normales, c'est quelque chose. C'est un phénomène de société. Moi, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu plus d'accidents répertoriés. Je pense qu'il y a eu 2-3 personnes qui sont décédées. En fait, c'est 3 décès. C'est malheureux. C'est vrai, il y a eu des décès. Bah, ouais, ça, je souhaite pas ça à personne, mais comme le gars qui tombe dans Fontaine, c'était drôle en crise. Ouais, des détails. Ouais, comme ça, c'est amusant. Ça, il doit en avoir eu pas mal. Là, ça. Ouais, ça, il doit en avoir eu pas mal. Bon. 8e? 9e? C'est quoi? Bon. T'as pas ajusté finalement la liste. Hein? Ben, je l'avais fait. Oh! Spoiler. C'était pas le bon jeu. C'est pas le bon jeu, j'ai pas pris la bonne affaire. Oh, je l'ai mis dans la mauvaise position. C'est quoi ton. Non, ce jeu-là, je l'ai retiré pour mettre le jeu que j'allais parler. C'est Beverly, le 9? Non. Ok, ben j'ai manqué l'image, ça veut dire. Là, c'est Dead by Daylight. Ah, ben je l'ai, mais il est en. Ouais, ouais. J'ai pas fait ton ordre comme du monde, ça veut dire. Ok, c'est correct. C'est pas qu'il manque un donc, visuel. Le Gift de Forrest Gump. Ça, c'est un jeu que je m'attendais pas du tout à aimer. C'est quoi ça? Ça a l'air beau. Écoute, c'est un jeu où. T'es 4 personnes qui sont des survivants, puis t'essaies de te sauver d'une créature qui veut essayer de te. C'est comme un slasher, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis moi, je pensais détester ça parce que dans ma tête, on comptait le concept. Ça avait l'air trop violent, tu sais. Je voulais pas jouer un simulateur de meurtre en série, tu sais. Ça m'intéressait pas. T'es pas un si grand fan d'horreur que ça. Mais j'aime beaucoup les films d'horreur, tu sais. OK. Ouais, mais les jeux d'horreur de tuer du monde, ça me tente pas tant que ça, tu sais. Fait que là, ça. On va faire un code, en fait. Je connaissais quelqu'un chez Behavior, puis elle m'a dit « Bon, tiens, voici le code, essaye-le. » Puis j'ai aimé ça parce que c'est pas ce que j'imaginais, en fait. Dans le fond, c'est quoi? T'es comme dans une espèce d'aréna fermée, t'es 4 survivants, des joueurs humains qui jouent contre un cinquième, mais qui fait la créature là, qui essaie de tuer tout le monde. Dans okay. le fond. Fait que là, tu te sauves, mais ça va quand même assez lentement. T'sais, ton but, c'est de partir des générateurs puis ouvrir dans le fond. T'sais, c'est un peu surnaturel, fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ça moins pire. C'est pas un humain qui tue du monde, c'est une espèce de créature maléfique, t'sais, genre démon ou quelque chose. Il y a 3-4 personnages qui viennent de base, tu peux en racheter d'autres. Je pense qu'il avait rajouté derrière monsieur Mayer de Halloween. Ouais. En fait, là. Mais écoute, c'est survivre, le feeling, t'sais, c'est le genre de jeu où t'as la patate qui pompe là, au max là, t'sais, quand t'es un des survivants, puis là t'essaies de te sauver, puis t'sais, t'es démuni, tu cours pas, t'as quasiment rien. Des fois, tu peux grinder puis un petit peu progresser ton personnage, faire des bursts, là, mais c'est vraiment le fun. C'est pas graphiquement le plus beau jeu du monde, mais sur Steam, il a été premier vendeur, en fait. Fait qu'il y a une raison. C'est vraiment le fun de jouer à ça. Puis, tu sais, moi, sérieusement, je pense que j'aime mieux le feeling de survivant. Tu sais, t'entends la créature qui s'en vient. T'es comme, t'essayes de vite réparer tes affaires. Là, tu te sauves, là, tu te camoufles. Fait que c'est vraiment le fun. Un bon feeling. Puis, c'est du multijoueur. Fait que ça m'a vraiment plu. Puis, une belle surprise pour moi parce que, sérieusement, je pensais que ça serait trop violent. C'est un peu violent des fois quand tu te fais pogner par la créature, les petits sacs, c'est un espèce de crochet, tu sais. Crochet de la boucherie. Mais tes amis peuvent venir te sauver, tu sais. Fait que. Okay. En tout cas, mais belle surprise. Ouais, t'as sauvé. Je conseille. C'est pas bien cher, c'est genre un jeu à 20$. Là, fait que. Beau. Belle surprise, honnêtement. Là, si vous aimez le feeling de frousse, là, puis de je dirais, adrénaline, là, ben allez-y. Flanque-moi la chienne. Exact. Donc là, numéro 8, c'est Super Mario Run. On en a parlé un petit peu. Moi, je l'attendais depuis longtemps, tu sais, les Endless Runner, tu sais, genre Temple Run, puis j'en avais donné une coupe. Rayman, j'avais trouvé correct, j'avais pas joué énormément, probablement pas autant que toi, Bruno. Là. Mais tu sais, ça me plaît parce que c'est l'univers de Mario, il est le fun, puis c'est comme une nouvelle twist sur Mario, tu sais. Puis je trouve que Mario, tu sais, pas qu'il stagnait un peu, mais tu sais, ça devenait quelque chose d'assez similaire. Puis lui, c'est une expérience différente pour moi. Ben surtout en Formule 2D, on l'a essayé. Là, tout à fait. Mais ça, le fait que, bon, tu cours, puis tu sais, c'est vraiment intéressant. J'avoue qu'il y a des petits côtés un peu plus frustrants au niveau de collectionner les items, les sous-mauves. Mais quand même, tu sais, ça va chercher, j'ai trouvé le feeling de... Tu sais, à Super Mario World, quand tu voulais pogner toutes les pièces Yoshi, tu sais, tu faisais les deux fins, tu sais. Fait que moi, c'est venu chercher ça chez moi, là, niveau, ça a tapé dans Nostalgie fort. Ben, moi, en tout cas, il s'est retrouvé quand même sur ma liste, là, grâce à ça. Moi, j'aimerais qu'il y ait un update Level Editor, man. Est-ce que ça serait... mais ça, c'est un autre jeu, tu sais. Ouais, non, je le sais, mais c'est parce que s'ils font ça sur mobile... Ouais. Hey, imagine les possibilités, mon gars, ça serait écœurant. Ouais, mais ça m'étonnerait, là, tu sais, avec Mario Maker Mario sur 3DS, Maker. Là, tu peux l'amener dans ta poche. Mais c'est pas le même genre, mais en tout cas. Ouais. Mais tu sais. Ouais, je sais bien. En tout cas. Le prochain, il manque l'image, fait qu'on va le nommer seulement. Bon, mais Pokémon Sun and Moon. Donc, j'avais fait une belle image. Puis je l'ai fait. Je suis tellement dans les Pokémon présentement. Ben, d'ailleurs, tu m'as prêté Pokémon Aqua, Blue, Velva. Saphir. Saphir. Saphir. Pokémon Saphir. Mon gars, man, ça fait 4 fois qu'il recommence le jeu et qu'il le fait. Ah ouais. Man, on est là-dedans. Ben écoute. Celui-là, là, il est vraiment agréable parce que, tu sais, si vous avez joué à tous les Pokémon de la série, moi, j'en ai pas manqué beaucoup, honnêtement. Là, vraiment, j'apprécie cette série-là. Puis, à un moment donné, ça devenait pareil. Puis, tu sais, justement, tu sais, XY est un renouveau, mais tu sais, t'avais Alpha Saphir, puis... Omega Ruby. Ouais. En tout cas, un des deux. Ben, t'avais White and Black. T'sais, celui-là, il était bon pour quelqu'un qui avait pas joué, mais c'était quand même un remake d'une version, je pense, Game Boy Advance. Puis... ça, c'est un bel environnement. C'est le fun, c'est nouveau. C'est comme à Hawaï dans un sens, tu sais. T'es là, puis tu sais, le professeur, c'est un nouveau dude. C'est un nouveau dude, tu sais. Nous autres, puis nos Pokémon. C'est ça, non, non, c'est parce que. Parce que dès qu'il a dit Saphir, puis j'ai dit tapir. J'ai eu un glimpse de pire, excusez-moi. Ouais. Ok, c'est correct. Triggered. Fait que c'est ça, tu sais, ton nouveau professeur, c'est un peu comme un hybride entre un. C'est un hybride entre un surfer et un douchebag, tu sais, il est comme il a un sarreau mais il est tout nu en dessous, tu sais. Il flirte vraiment trop ta mère, tu sais. Moi je pense que il doit arriver quelque chose. Wow. J'ai pas encore fini mais il est vraiment le fun puis les Brazzers. Brazzers. Mais les Pokémon de Stardust, c'est bien l'environnement, il est le fun. Il est un peu plus facile puis enfin, tu sais les fameux CS que tu pognais puis qui te prenaient un slot d'un Pokémon, mais certains Pokémon qui vont avoir des habilités déjà de base que t'auras pas besoin de gaspiller quelque chose. Fait que c'est le fun. c'est agréable de voir un renouveau. Ça se passe sur une île, tu sais. Puis moi, je te dis, il y a le fun. Ça reste un Pokémon vraiment classique. On a acheté Moon. Ouais. Mais Moon, moi, c'est lui que t'as joué. Bon jeu, fait que en tout cas. Mais ça reste un Pokémon, là, fait que si vous n'aimez pas l'expérience, vous n'aimerez pas celui-là. Mais si vous étiez un peu tanné, celui-là, il offre au moins l'environnement est nouveau puis sympathique. Là. Hey, t'es-tu capable en 20 secondes de me dire c'est quoi la différence entre Sun et Moon? C'est pas un gag, là. C'est probablement le Legendary, comme d'habitude. Là. OK. Mais moi, j'ai le Legendary électrique dans Moon. Je sais pas c'est OK, lequel, fait que c'est un personnage de plus que tu peux attraper, c'est ben, ça? Ben, c'est à la fin, tu peux pogner un légendaire. OK. Puis d'habitude, il y en a toujours 3-4. Comme à l'époque, là, si tu regardes Mr. Mime, là, c'en était un. Là. Mm. Fait qu'il y en a tout le temps quelques-uns. Il y a une liste de 3-4 que tu es obligé d'échanger avec un ami, dans le fond, pour aller chercher. Là. Mais j'ai pas étudié la liste complète. Oui. Je n'ai pas fait de critique, je joue juste pour le plaisir. Là, c'est ça, mais c'est souvent juste un Pokémon que tu peux débarrer là-dessus. Non, plusieurs. Il y a une liste de peut-être 5 il y en a quand même là, qui sont exclusifs. Ça vaut quand même la peine. Je ne jetterai pas les deux. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ton body, tu lui dis « Hey man, j'ai Moon », puis lui, il va s'acheter Sun. Là. C'est plus ça. Là. Tu as acheté les deux, je pense pas, c'est un peu intense. Ouais. C'est direct ça qui se passe à l'école. Ah, ouais, moi, il joue à un, puis son ami, il a l'autre. Exact. Comme tu nous as prêté Saphir, son ami, il a Ruby. Bon, mais ça, c'est excellent. Il parle de ça, puis il capote entre eux. Puis en plus, certains Pokémon, quand tu les échanges d'une version, que si tu les as acquis par un échange, ben ils évoluent différemment. T'sais. Fait que ça, c'est genre faire le fun. Donc, c'est ça. Mais moi, j'ai pas idée à quel point je mène une vie de Pokémon présentement. Ouais, c'est on ça. On a comme une encyclopédie de Pokémon en papier, ben en livre. Là. OK. Puis on regarde ça, man. Puis là, je suis dans les méga évolutions, tu sais. Puis je connais mon shit. Là. Ah, ben, c'est incroyable. Ouais. On regarde X et Y à TV. Ah, c'est ça? La région de Kalos. Ah ouais, OK. J'ai tout, je suis en train d'écouter ça. C'est rendu à chaque vendredi soir, j'ai hâte. Ma blonde travaille au bar. Je dis OK, les boys, à soir, on écoute 3 Pokémon. Bon. Yes, on va prendre les bains tout de suite. On écoute les Pokémon. Fait que Dom, t'es le nouveau Ash Ketchum. Ouais, ben là, c'est Sacha en français. Ouais. Oui. Donc, hey, what's up? Ash. My name is Ash. Ça, c'était dans Robot Chicken. Ouais. What's all right, up, guys? Fait que, numéro 6. Hey, numéro 6, Bravely Second and Layer. J'ai fait la critique ici, en début d'année. J'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas complété. Je l'ai mis bien au chaud. Il faut que je le finisse. Mais c'est un excellent turn-based Final Fantasy style par Square Enix, dans le fond. Okay. Puis, ça se porte super bien au portable, genre 3DS. L'histoire est le fun, les personnages sont intéressants. T'as beaucoup de classes que tu peux jouer avec, t'sais, au niveau des personnages. Fait que tu fais des affaires le fun. C'est un bon jeu classique RPG turn-based. T'sais, Square Enix sont pas mal maîtres là-dedans. Comme j'avais dit un petit peu au niveau de Final Fantasy, je pense qu'eux, ils ont décidé de leur truc traditionnel, ça va plus être le Final Fantasy mainline. T'sais. Non, c'est ça. Ils mettent ça dans d'autres produits comme ça. Ouais. Mais c'était bon. T'sais. J'ai pas joué au premier, en fait, mais là-dedans, j'ai jumpé dans lui puis c'était facile. C'est une belle expérience. Square Enix, t'as dit? Ouais. Okay. Donc, tu sais, classique, vraiment beau jeu. Fait que moi, je dis, j'avais eu bien du fun à jouer à ça, puis il méritait une place là, dans mon top. Ah, il tente. Cool. Fait que c'est ça pour les... L'autre toune, là, est tough dans le mix. SimCity? Parce qu'elle dure... Pas SimCity, SimCity, elle dure juste un peu trop longtemps. C'est comme un loop de 2 secondes, puis... Ouais, le loop, il est pas très long. Mais on n'a pas le choix pour Ben de voir c'est ça. Ça nous apaise avant la pause. C'est vrai. On n'a pas le choix. Ouais. Fait qu'on va aller faire une petite pause rapide. Puis on revient avec le top 5 et après ça, les tirages des jeux et des t-shirts. Là. Hey, oui. Yes. Ça fait combien de temps qu'on est là? Il va falloir clencher. Ça fait 1 heure et quelques. Fait qu'on va clencher. On fait une pause et on va vous clencher le top 5 après ça, après la pause. Clencher d'en face. Bon, de retour! Soufflé dans le jambon. On salue d'ailleurs Mario. Oui. Qui est absent ce soir. Ceux qui ne comprennent pas, c'est parce que Mario est propriétaire d'un gentil cochonnet. comme animal de compagnie. Ben, comme le show, un jambon bien ficelé. Là, c'est... Traduisez jamais ça en anglais. Non. Non, c'est sûr. C'était pas le but. Là, non, ok, j'espère. Fait que là... Fait que là, on donne-tu des prix tout de suite ou on continue? Non, on fait ça à la fin. Non, on fait ça à la fin. Oh, hey, ben, on veut que le monde soit attentif. Écoute. Ouais, on espère que vous avez pris des notes. Restez à l'écoute. Ouais. Ça sera pas si facile. Ça va être assez. Fait que là, on tombe dans le top 5. Oui, monsieur. Des meilleurs jeux de cette année. Fait que vas-y, monsieur Georget. Mr. B. Chacun un. Chacun un, cette fois-là. Boom, boom, boom. J'ai du beau gameplay cette fois-ci. C'est fantastique. Fait que là, mon numéro 5. Oh! Après tout le monde, calasse! Ouais, Ratchet & Clank, tabarnouche, c'est vraiment ce jeu-là, torche, c'est comme. C'est vraiment. Ça, c'est comme le remake du Pixar. Premier, c'est quoi? En fait, c'est pas le remake du premier, c'est ça, c'est un jeu basé sur le film, basé sur le jeu. Ouais. Ça m'a vraiment fourré, puis je pensais que c'était un remake du premier, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus que ça. Pis le jeu, non seulement il est beau, mais il est vraiment le fun. Les armes sont écœurantes. Le pixelator avec lequel tu peux changer les ennemis en pixels est vraiment cool. Puis il y a aussi beaucoup de bonnes idées là-dedans. Puis le film est pas ben bon. Ah non? Non, c'est ça que je me demandais. Il est très décevant, ce film-là. Le script est pas très bon, mais dans un jeu vidéo, le script est excellent. Ouais. Il fonctionne super bien parce que justement, les passes qui sont plates dans le film sont le fun en jeu. Mm-hmm. Puis c'est ça, ce jeu-là est juste... C'est sûr, si tu vois 2 heures, un petit bonhomme qui pète des grenouilles et qui casse des caisses, c'est, non, mais c'est moyen. Dans ça le reste film, quand même meilleur va... qu'un party de saucisses. Possible. Ça, c'est vrai. Mais c'est ça, mais là-dedans, en fait, c'est que il va à des endroits puis on dit en anglais « expand on ». Tu vas en voir plus d'un moment qui, dans le film, dure 30 secondes. Nick, c'était quoi? Non, j'enchaîne. J'ai mis ton utilisation. Épiphanie. De « expand on ». Ouais, « expand on ». Mais c'est ça. Ben, bref, le jeu est très bon. Puis aussi, la difficulté est quand même assez réussie. Ça peut devenir assez difficile, même que le boss de la fin est vraiment épouvantable à tuer. Tu peux jouer co-op à ça? On peut pas jouer co-op. Quand, malheureusement, c'est un jeu seul. Tout le temps co-op, ces jeux-là. Tout le temps. Ça crie co-op. All for One est tellement le fun. À 2, à 3, c'est cool. C'est vraiment le fun à 3 puis à 4 même. Oui. Mais c'est ça. C'est juste un très bon jeu, un feel-good jeu. Cool. On se sent bien quand on joue à ça, puis on a du fun. Puis si. Ça, c'est la preuve, en fait, que Sony peut faire du Nintendo, mais ils le font vraiment pas souvent. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est clairement un jeu à la Nintendo. Là. Ça fit très bien dans l'univers de Nintendo. Puis c'est ça. C'est magnifique. Achetez-le, il coûte plus rien, Colin. Ça coûte genre 20$ maintenant, ça, déjà. Parce qu'il s'est pas vendu tant que ça. Il a été dans l'ombre de plein de jeux de. Guerre puis de patate. Ah ouais. Un très bon numéro aussi. Guerre partout, justice nulle part. Exact. Allez. Numéro 5. Oui, numéro 5 pour moi. Il s'agit de Dragon Quest Heroes. Rocket Slam. Vous vous souvenez que j'ai parlé de ça? Ben oui. Ouais. Ben oui. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est tomber en amour avec des jeux de DS. Ça, c'est ce qui est arrivé. Je te dirais que c'est comme une fille que j'ai appris à connaître. Oui. Elle était pas comme... tu sais, comme en partage, comme pas pire, on va checker ça. Puis là, finalement, je l'ai bien aimé parce qu'elle était intelligente, elle me faisait rire. Oui. Elle était bright, intellect. Elle était de bonne humeur. On faisait tout le temps les mêmes affaires, mais c'était des affaires le fun, tu sais. C'est un jeu très complet. Quasiment, c'est pas Dragon Quest, là, c'est pas un RPG, ça. Non. Mais c'est un jeu d'action, dans le fond, un peu à la Kirby. Non. Le personnage me fait penser à Kirby. Ouais, mais c'est pas Kirby, c'est là. Non, c'est pas un platformer. Non, c'est ça. Ben, c'est un top-down dungeon crawler, ouais, si on pourrait dire. Mais avec la twist très intéressante des grosses batailles de tanks. Donc, t'es dans un tank géant qui affronte un autre tank géant. Ouais. Puis t'es à l'intérieur du tank, puis tu te promènes, puis tu ramasses des affaires que tu feed d'un canon. Ouais. Puis que dans l'écran du haut, tu vois les affaires sortir de ton canon puis aller vers l'autre. Pendant ce temps-là, dans l'écran du bas, tu promènes ton bonhomme pour... faire le plein puis tirer le plus possible. Puis chacun tire toutes sortes d'affaires. T'sais. Ouais. Tu peux te tirer toi-même aussi pour atterrir dans l'autre tank. Tu as toutes sortes d'armes que tu ramasses. Tu ramasses des objets tout au long du jeu pour faire de la chimie. De l'alchimie. Forger des nouvelles armes. Puis avec tes nouvelles armes, tes pitches sont plus fortes. Ils font des attaques spéciales. Fait que, en tout cas, il y a beaucoup de choses à découvrir là-dedans. Un univers totalement fascinant, très comique, très bon. J'ai payé ça 20$. Puis ça le vaut totalement. Ça devient un peu répétitif, par exemple. C'est pas très difficile de tout ramasser et tout et tout. Les derniers combats, par exemple, là, t'es plus nerveux. Sinon, si tu prends le temps de grinder un petit peu, très peu, t'es capable là, de tuer tout le monde sans problème. Mais une belle surprise pour moi. C'est un de mes jeux. C'est mon jeu DS préféré de cette année. C'était ma blonde au DS cette année. Bon, good, good. Nick. Donc, moi, mon numéro 5, on parlait des jeux de guerre, j'ai mis Battlefield 1. Yeah. Ah, il me tente. Donc, écoute, moi, j'étais un gros fan dans le temps de Death the Defeat. J'ai aimé Battlefield original. J'aimais aussi Wolfenstein Enemy Territories, l'espèce de mode qu'il y avait eu. Puis ça me rappelle ça. T'sais. Battlefield, j'ai beaucoup aimé le 3, le 4, mais ça restait moderne, super rapide. Ça, c'est un retour aux sources, là, comme Battlefield original. Moi, j'aime ça. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Les armes sont lentes, sont pas précises. C'est bizarre de fusil-là avec le chargeur sur le côté. J'ai jamais vu ça. Oui, exact. Mais tu sais, c'est vraiment intéressant parce que, on peut attaquer le monde à la baïonnette. Mais tu sais, ce qui est le fun là-dedans, c'est que... On est loin de Kirby, là. Direct sans le coup, man. Il y a même une famille, ce gars-là. Mais tu sais, on est quand même dans ce que Battlefield est capable de nous offrir. C'est genre, des fois, tu 16 par 16 les combats, tu es 32 d'une map, tu as vraiment le feeling de guerre, là, t'sais, tu sais pas t'es où, t'es droppé, quand tu connais pas dans les cartes au début, ça devient vraiment complexe, puis tu sais, ça donne, c'est sûr que c'est absolument pas ce que la guerre peut être, mais un petit peu plus que t'sais, juste un jeu où tu rentres puis tu sais tout le monde, t'as un petit peu de panique, tu vois pas, tu vois mal tout le temps, fait que c'est très très très très intéressant, puis le fait que c'est un peu plus lent que les autres Battlefield, moi ça m'a vraiment plu. Fait que retour aux sources réussi pour Battlefield 1. Il est un succès jeu-là. Totalement. C'est bon. Moi j'ai commencé la campagne. Puis c'est vraiment. Moi j'ai fait deux, trois éléments de la campagne que j'ai trouvé bonne. Ouais. Moi c'est vraiment un multijoueur. Là, incroyable. Puis avec Battlefield, on voit les véhicules. Tu as des tanks, des avions. Puis c'est vraiment plus. Je dirais approchable que le Battlefield 4, mettons, je pense. Celui-là, là, c'est un bel endroit pour commencer dans la série. Là, fait que, beau jeu. Il est tough, le 4. Ouais. En tout cas, pour un newbie. Ben, c'est ça, le monde était trop bon rapidement. Là, c'est comme l'extension du 3. Mais ça vous ramène à quelque chose. Là, de... Puis, ils ont rajouté un élément de squad leader là, aussi qui est... tu peux aller spawner sur eux. Puis, c'est vraiment bon. Oui. Ouais, beau jeu. Nice. On y va sur les positions numéro 4 maintenant. Oui. Bruno. Mon numéro 4, c'est Inside. Inside, c'était, c'était vraiment un jeu hallucinant que j'ai eu la chance d'essayer. Sur ma Xbox One, Colin, c'était comme la... ça aurait servi à ça cette année. Ouais, exact. Hein? Tu sais, je voulais une Xbox One, entre autres, pour les exclusivités. Puis là, ben, c'était exclusif un certain temps, peu à Star. Là, il l'a sur la PS4. Mais ce jeu-là est vraiment fantastique. C'est la suite de Limbo, si on pourrait dire. C'est le nouveau jeu de Playdead. Puis c'est ça, j'ai trouvé que celui-là, ce qui est réussi que Limbo pouvait pas à ce moment-là réussir, c'est tout ce qui est l'environnement puis le narratif par l'environnement. Il y a tellement d'affaires qui te sont racontées là-dedans. Puis tout au long du jeu, tu te poses la question sur c'est quoi, puis pourquoi t'es là, puis qu'est-ce que tu fais exactement. Puis on te donne des réponses, puis les réponses sont tout le temps angoissantes. Puis c'est un jeu qui te reste une fois que t'as terminé. Tu te poses plein de questions, puis t'es perdu, puis t'es confus, t'es pas bien. Puis le gameplay est vraiment excellent. Il y a plein de belles idées là-dedans, entre autres, qui est voyons, Colin... de pouvoir contrôler d'autres personnes avec ton cerveau, puis contrôler comme un squad de personnes en même temps. C'est un pouvoir que le petit gars a, ça? C'est qu'en fait, là-dedans, le jeu, un moment donné, là, tu peux avoir comme une espèce de coupole qui s'en vient sur ta tête, puis là, ça te lève dans les airs, puis ça te tient comme ça. Pis, fait que quand tu avances, tu recules, c'est pas toi que tu contrôles d'autres mondes qui sont là à côté. Fait que ça, c'est assez weird comme façon de contrôler des choses dans le jeu. Ça fonctionne super bien. Puis c'est ça, vraiment, ce jeu-là, là, de A à Z, là, c'est vraiment un chef-d'œuvre, sérieusement. Puis il faut absolument que vous jouiez à ça. Ah, ça a l'air hot, sérieux. Il n'y a pas de jeu comme ça. Puis tu sais, c'est un jeu qui aurait pu sortir dans, tu sais, comme pour tout le monde qui trippe sur les vieux jeux, tu sais, entre autres, je pense à Out of This World. Out of This World, merci, c'est world, ça, ouais. Je le cherchais, mais c'est vraiment ça, tu sais. Out of This World, maintenant, c'est ça, là. C'est pas le remake de Out of This World. Fait que c'est ça. Acheter ça, c'est de la bombe. C'est clair. Good. Quatrième position en ce qui me concerne, c'est l'excellent Metal Storm, qui est un jeu de NES que j'ai voulu essayer pendant très longtemps, puis que le King de Saint-Eustache m'a trouvé à excellent prix, soit vraiment pas cher. C'est bon. Quand le King t'a fait un bon prix, t'es tellement gêné, c'est comme merci, je sais pas quoi dire. On n'est pas digne. C'est vraiment ça. Donc c'est un jeu de NES, t'es un mec, un genre de transformeur qui se transforme pas. C'est un jeu de gravité, donc tu colles au plancher ou au plafond. Et puis c'est très futuriste, là, si je peux dire, très industrie. Mais le background, c'est tout le temps un fond assez générique. Comme là, on voit à l'écran présentement, le fond, c'est juste comme une texture. Exact. Mais le reste, c'est comme un peu Megaman-esque un peu. Je sais pas comment le décrire. En tout cas, c'est du métal. Vous irez voir la vidéo. C'est ça. C'est toi qui contrôle la gravité, genre, t'as un bouton qui fait ça? Exact, c'est toi qui décides quand est-ce que tu colles au plafond ou au plancher. Fait que t'as des petits éléments puzzle-esque un peu, au savoir... pas puzzle-esque, vraiment plus de précision. C'est de la dextérité, ce jeu-là. C'est de la dextérité, carrément. C'est un jeu qui est vraiment pas facile, là, sérieux. Ça prend un peu de temps pour s'habituer. C'est ce que j'ai adoré, ce jeu-là. J'ai réussi à le finir. Ouais, il avait même fait le cover de Nintendo Power dans le temps. Donc, c'est ça qui m'avait amené à jouer à ça. Il l'avait encensé pas mal. Vraiment. Malgré tout, il y a un petit côté vide dans ce jeu-là que j'arrive pas à décrire par le manque de... C'est froid un peu. Ben, les niveaux, là, C'est froid un peu. C'est que le gameplay est malade, mais il n'y a pas eu tant d'efforts sur les graphismes. Puis aussi, regardez là, la typo à l'écran, c'est joli. Là. Quand tu meurs, c'est game over, c'est bien fait aussi, c'est beau à voir. Le graphisme est beau, la musique, pas vraiment. Je peux pas te dire. C'est correct, t'as une ambiance, mais il n'y a pas de toune là, qui trempe dedans. Parce que, yeah, man, niveau 2, la toune à Metal Storm est vraiment malade. Tu pourras jamais te souvenir c'est quoi la musique de Metal Storm parce qu'elle n'est pas spéciale. C'est vrai. Et puis aussi, ton robot, c'est un gros mec de même, là, mais c'est tout le temps un one-hit kill. Ouais. Là, une petite balle, t'es mort, that's it. À moins que tu pognes un power-up et qu'il te donne une life de plus. Là. Donc, des power-up aussi intéressants là, qui t'aident. C'est bien positionné. T'sais, on s'arrange pour t'aider pour vrai. Donc, overall, un jeu très bien construit pour le NES. C'est une belle mécanique. Système de password. Musique un peu absente. Niveau, manque un peu de personnalité, je trouve, dans le jeu. Ouais. Même si le graphisme est écœurant. Fait que c'est ça. Mais vraiment un must. Là. J'ai joué beaucoup au NES cette année, je me rends compte. Puis ce jeu-là est vraiment le fun. Autour de 120-140$ dans votre collection, ça vous le prend. Ouais. Non disponible sur la cassette rouge. Ah, shit. Nick. Good. Nick, donc, numéro 4. Moi, numéro 4 de King of the Fighters, le 14e en fait de la série. Oh yeah. Donc, dans le fond, c'est la première itération là, du fighter lui-même en 3D. Quand même réussi. J'ai fait de la critique ici à Rétro Nouveau. Oui. C'est un bon jeu. C'est bien fait. Si vous aimez la série King of the Fighters, vous allez vous trouver bien à l'aise là-dedans. Probablement mieux fait que le 13 l'était. Il y a des petits problèmes au niveau de ce jeu-là, au niveau de la balance des personnages. Pas tout le monde qui est aussi fort, tu sais. SNK a sorti des patchs pour un petit peu essayer de corriger tout ça. Mais c'est vraiment intéressant, tu sais, beaucoup plus complexe que les Street Fighter au niveau du nombre de mécaniques qui sont accessibles. Mais donc, c'est vraiment bien. Puis tu sais, au début, il y avait peut-être des gens qui n'ont pas retrouvé le look traditionnel de certains de leurs personnages, mais SNK ont commencé à sortir des skins, en fait. Ça a l'air plus liché un peu, je sais pas quoi. Ouais, ben tu sais, ils ont amélioré un petit peu les graphiques avec un patch aussi, tu sais, mais c'est vraiment... c'est intéressant, c'est vraiment un beau jeu, tu sais. Malheureusement, les ventes sont pas au rendez-vous pour SNK, tu sais. Je trouve ça très dommage parce que, tu sais, eux, c'est un peu un do or dare, là. C'est pas une compagnie qui va très bien financièrement. Mais j'aurais aimé que ça pogne plus, on peut dire. T'sais. Présentement, j'avais regardé sur Amazon avant le show. Je pense qu'il est rendu à 35$ déjà. Donc, vous pouvez le procurer. Là, même l'édition Day One, qui devait être une édition limitée, est encore disponible. Donc, ouais. Ça, c'est un peu dommage au niveau des ventes. Mais c'est vraiment un beau produit. T'sais. Si vous aimez les jeux de fighting, là, allez-y, tu sais. Puis tous les personnages ont une petite personnalité, une twist. Puis le gameplay est très différent là, d'un personnage à un autre. Puis bon, il y a le volet d'équipe, là, c'est des équipes de 3 là, par défaut qu'on va aller chercher. Fait que super beau produit de fighting, un must dans votre collection. De combat. Je dirais de combat next gen. Exact. Donc allez-y. Puis comme je dis maintenant, là, avec le prix qui a baissé, là, c'est un no-brainer. Là. Puis avec les patchs. Ça va être un produit qui va être supporté pour une couple d'années. Là, fait que, inquiétez-vous pas, vous allez avoir du plaisir en multijoueur et même en single player. Le mode arcade est intéressant. Excellent. Oui, passons aux choses sérieuses. On tombe dans le top 3. Oui. Avec Bruno. Oui, numéro 3 pour moi, Watch Dogs 2. Ouais. Sérieusement, ça a été une super grosse surprise pour moi, ce jeu-là. Je m'attendais pas à grand-chose. Parce que le premier jeu, tu sais, c'était... c'était bien, mais c'était pas incroyable. Puis là, Ubisoft a vraiment réussi à sortir, on dirait, d'une lignée de jeux à la Ubisoft, où Ubisoft se copie lui-même dans son style de jeu. Ouais. Puis là, ils ont vraiment créé un nouveau IP super intéressant avec des contrôles différents, puis un monde qui est vivant. Puis aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé toute la... tout l'enrobage de ce jeu-là, le côté niaiseux, le côté culture internet qui est vraiment moi, là partout. J'ai pas joué, là. Mais ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment drôle. Puis tu sais, c'est un jeu auquel j'ai fait la critique, puis je suis encore en train de jouer, puis je suis pas capable de lâcher ce jeu-là. Il y a tellement de choses à faire, puis les choses qu'on a à faire sont intéressantes. Puis c'est un jeu, d'après moi, qui va vivre longtemps. Encore, ils comptent sortir du DLC aussi, puis je sais qu'ils sont pas pressés non plus de le faire, puis ils veulent vraiment prendre leur temps puis laisser vivre ce jeu-là, cette franchise-là. Puis en plus de ça, ce jeu-là, de toute façon, il y a déjà énormément de choses à faire avec les missions en ligne aussi. T'as quand même pas mal de stock à faire puis tout ça. Fait que c'est ça, j'ai aimé le hacking, mais j'ai tout l'enrobage de ce jeu-là. Le fait de jouer à un jeu qui traite de quelque chose de sérieux, mais un peu avec humour, avec relâche, ça fait que t'as tout le temps le goût d'y retourner. T'sais, il fait beau, c'est le fun. Ça c'est drôle. Je suis content pour cette série-là qui se relance un peu parce que le monde n'avait pas été satisfait totalement du premier jeu. Là, fait que... ben, le premier jeu, il y avait le problème, c'était la date de sortie un peu aussi, comme tôt dans le cycle. Fait que Ubisoft avait beaucoup de pression à sortir ça. Ouais. Il avait déjà manqué le quart d'ailleurs, puis il y avait eu un impact sur les états financiers. Fait que le jeu, fallait qu'il sorte, puis il aurait peut-être pris plus de temps, je dirais, l'équipe. Là. Il aurait été comme pogné. Là, fait que... c'est le fun, celui-là, c'est beaucoup plus léché, là, selon ce que je comprends. Ah, c'est plus léché, puis ça... tu sais, il y a de l'amour, en fait, dans ce jeu-là, là, sérieusement. Tu le vois à chaque chose que tu vois dans ce jeu-là, même justement les graffitis sur les murs, les choses qui se disent, les choses qu'on fait. Tu sais, chaque mission, même les missions secondaires, sont super intéressantes. Les dialogues ont été bien écrits, tu sais. Il y a des choses qui font pas d'allure dans ce jeu-là, évidemment, comme le fait que, bon, tu vas mitrailler un gang de rue, puis après ça, tu vas faire comme « Hey, mec, est-ce qu'on se tape le nouveau film de James Cameron? » c'est un peu absurde, tout ça, mais en même temps, quand on compare à des jeux du genre, ben, ils le font aussi. Ils se font rechercher par la police comme des malades, puis ils chillent pareil avec leur chum, tu sais. Fait que c'est ça. Bref, ça, d'après moi, c'est vraiment un incontournable. Acheter ça les yeux fermés. C'est, d'après moi, le meilleur jeu qu'Ubisoft a fait jusqu'à maintenant. Est-ce que tu conseilles de jouer les yeux ouverts, par contre? Oui, je conseille les yeux ouverts. OK, merci. Donc, Dominique... J'avais le goût de mettre un son pour Nick, ça semble. Ah, je vais le mettre. Vas-y. Ah, c'était pas super. Ah non, c'était correct. On était dupes cette année. Fait que Dom, numéro 3. Ninja Senki DX de nos amis de chez Tribute Games. C'est qui est le jeu qu'un des fondateurs, Jonathan Lavigne, a créé de toutes pièces, chez eux, seul, dans le temps, sur ordinateur, jeu gratuit. C'était comme un jeu flash à l'époque. Hein, il me semble que oui. Puis il l'a tout refait, je pense, tout seul chez Tribute d'ailleurs. Et puis ça, mes amis, c'est du platforming comme je l'aime. Ça, là, c'est parfait. Les contrôles, il est parfait. Ben, tu tires des shurikens aussi comme Mega Man. Puis c'est tout bon, tu sais. C'est tout bien pensé. Les ennemis apparaissent aux bonnes places. Tu sautes par-dessus un trou, tu dis « Ah, non, non. » C'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un à l'autre bord. Tu tires des shurikens d'avance. Et voilà, l'ennemi, l'autre bord, il est pété parce que t'as pensé à ça. Ceux qui ont développé des réflexes de jeu NES, de jouer au NES, vont... Vous allez pouvoir appliquer vos réflexes en jouant à Ninja Senki. Parce que c'est construit par un gars qui a joué au NES et qui comprend parfaitement comment développer, comment construire des niveaux de platforming. Excellente musique de notre ami Patrice Bourgeot, qui a été remixé par lui-même pour le jeu, pour DX. Donc, c'est un petit jeu de rien, là. C'est rien, ça. Ben, je veux dire, c'est pas rien faire, c'est ça. C'est rien, ce mais jeu-là. Mais pour Tribute, c'est pas un jeu important. Ah non, OK, il y a pas, OK. C'est, eux autres, c'est... c'est le Legacy, mettons, dans le fond, Curses and Chaos, c'était un jeu beaucoup plus important pour eux autres que ça. Ça, c'est un petit goodie qu'ils font entre deux pour le fun. Puis moi, man, je rêve que ça vende cette franchise-là pour qu'ils mettent du temps là-dessus et qu'ils développent ça parce que ça vient me chercher d'aplomb. Là, ah, c'est vraiment le fun. Je trouve ça vraiment trippant. Et puis, c'est ça. Ce que Mario Run ne fait pas, il le fait dans le jeu-là. Quand tu ramasses des scènes, elles demeurent ramassées. Bon. Fait que voilà. Fait que c'est ça, t'as un plaisir aussi à battre le niveau de vitesse, tu sais, puis parce que tu peux avoir des médailles et tout ça. Donc, tu refais le niveau, tu les apprends par cœur, puis à la fin, t'es juste une machine, tu sais. Puis t'aimes ça, faire ça, puis ils ont des bons. Quand tu meurs, tu recommences aux bonnes places, tu sais, pas trop loin pour que ça soit décourageant, pas trop proche pour que ça soit trop facile. Donc, non, c'est un jeu parfaitement construit. Vraiment, vraiment le fun. J'ai joué à ça sur ma Vita, ça doit être disponible sur toutes. Pas mal, ouais. Ouais, c'est PS4. Je sais pas si c'est sur 3DS, par exemple. Non, sûrement pas. Non, c'est ça. Sûrement pas. Non, Tribute, tu n'as jamais développé rien pour Nintendo. C'est trop compliqué. C'est trop que c'est compliqué, long, ouais. C'est ça. Mais c'est avoir les kits, je pense, sont dispendieux et difficiles à avoir. Aussi. Exact. Ça vaut pas la peine, surtout pour un petit jeu de même. Mais non, procurez-vous ça. Ça coûte rien, ça. Ça coûte vraiment rien. 2, 3 piastres, 5 piastres, je sais pas quoi. Puis c'est trippant. Mega Man en Ninja. Nice. Let's go. Ouais. Vraiment bon. Nice. Alright, moi je vais vous parler de Fire Emblem Fates. Donc ça c'est au Nintendo 3DS. Dans le fond, il y a comme trois versions de ça. Il y a Birthright, Conquest puis Revelation. Deux versions physiques puis une version plus DLC. Ça, ce qui est vraiment magnifique, c'est une franchise qui évolue toujours très bien, tu sais. Puis ça devient juste tout le temps moins frustrant de jouer à ce jeu-là. Tu sais, les contrôles, comment. Les options sont faites. Ça reste du turn-based strategy game. Faut aimer le genre, là. C'est quand même assez niche. Oui. Mais dans ce genre-là, c'est extrêmement bien fait. Là, puis vous avez toujours l'option là, de jouer de façon ultra hardcore. Vos personnages vont mourir et ils ne sont plus jamais disponibles. S'ils tombent au champ de bataille, ben, ils sont morts pour toujours. Okay. Moi, j'ai pas fait ça parce que ça. T'aimes pas ça, toi, ça, j'aime hein? pas ça. Je veux pas que mes personnages meurent, mais. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis tu sais, il y avait... La twist qu'il y avait, c'est qu'il y avait aussi une espèce de multijoueur où tu allais en ligne, tu pouvais conquérir des châteaux d'adversaires, tu sais. C'était pas en temps réel, mais c'était comme... une fois que tu avais, mettons, je dirais, conquis leur château, tu pouvais choisir soit un personnage dans leur équipe ou, tu sais, une récompense, tu sais. Ouais. Mais c'était vraiment le fun. Dans le fond, là, ce jeu-là, là, c'est un des jeux qui a un replay value infini. Pour plusieurs raisons, tu sais... Premièrement, il y a trois dénivellations, mais ça va, dans le fond, l'histoire va être complètement différente. T'sais, dans le fond, t'es comme un enfant qui a été kidnappé en tant que jeune d'une royauté, puis élevé par la famille royale adverse. Puis tout dépendant si tu prends Birthright ou Conquest, tu vas aller d'un bord ou de l'autre. Donc, c'est une guerre entre deux familles, fait que tu fais un choix entre tout ça. Puis Revelation, ben dans le fond, c'est le troisième où tu décides d'être un peu plus indépendant de tout ça. Tu dis genre, oubliez ça, puis je vais faire mon propre chemin. Ouais. Mais au-delà de ça, tu sais, le niveau de difficulté, tu sais, moi, j'ai vraiment joué relativement facile. Mais tu sais, tu peux pousser, tu peux faire évoluer d'autres personnages, choisir d'autres classes. C'est un jeu que tu pourrais jouer de façon infinie, puis quand même avoir beaucoup de plaisir, tu sais. Puis il y a des side quests que tu peux faire aussi à l'infini. Moi, je me suis concentré beaucoup sur l'histoire principale parce que c'était très long. Là. Je pense que c'est un 80 heures là, que tu mets là-dedans. Là, juste quand pour, même. Ça te prend quand même... Il n'y a pas tant de grinding que ça, tu sais. Mais j'ai fait beaucoup de grinding au niveau du multijoueur, comme je disais. Là, okay. Plus en ligne, c'est-à-dire qu'un multijoueur. Alors, super jeu, une belle itération de la série. C'est le deuxième sur la 3DS, en fait. Probablement le dernier. Selon moi, il y aura probablement un nouveau jeu un jour sur une autre plateforme. Mais c'est... excellent, tu sais, c'est... allez-y, là, tu sais. Si vous n'avez pas joué à l'autre d'avant, qui était Fire Emblem... un blanc, là, mais... Celui que le monde, il se rentre dedans, là, en plongeant. Celui qui a la pochette super belle, là, t'en avais parlé. Oui, c'est ça, exactement, mais... Allez-y, achetez-le. Allez-y. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas de souci à ça, mais très, très beau jeu. Mais il faut que vous aimiez le turn-based, en fait. Là. Puis, ça se joue super bien dans le métro, là, en passant, ou dans l'autobus. Turn-based. Ou en taxi. À dos de Vélociraptor. Oui, tu peux faire ça. Ça se pourrait. Pterodactyl, faites attention pour ne pas échapper la console. Mais, ah, c'est Awakening. Awakening. Ah oui, Awakening. Wow. Ouais, merci. Hein. Merci, Stéphane Beaumier. Qui est aussi très bon, là, mais celui-là, il est un petit peu plus, un peu plus complet là, au niveau de l'expérience. Là. Nice. Good. Top 2. Right. Top 2. Top 2. Bruno. Ouais, ma deuxième position. Ah, ça, je veux Enter jouer à ça. The Fucking Dungeons! Hey, c'est sérieusement, Enter the Gungeon, quel jeu pareil. C'est probablement le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. PS4, ça? Ouais, j'ai joué sur PS4, il l'a sur PC aussi. Puis on peut... non, il n'y a pas de version PS Vita, mais tu peux jouer en remote. Ça vaut même plus la peine de d'y penser. C'est ça, je ne sais pas pourquoi je le dis. mais non, c'est ça, c'est un roguelike, ce jeu-là. Puis moi, les roguelikes, ça ne m'a jamais tant attiré, à part, c'était quoi? C'était Rogue Legacy, je pense, ouais, ça s'appelait, qui était très bon. Puis c'est ça, bref, là-dedans, c'est vraiment un jeu... C'est vraiment Smash un shmup, en fait. Là. C'est ça, c'est Smash TV. Mais c'est un shmup mélangé avec un dungeon crawler. Là. Ouais. T'as vraiment énormément d'armes là-dedans. Genre, il y en a au-dessus d'une centaine d'armes. Puis, ils inventent des armes de toutes sortes. Genre, t'en as même une que tu garoches des poissons puis ça fait juste étourdir ton ennemi. Tu le shootes avec une autre arme après. Puis il faut vraiment que tu utilises tes balles comme du monde. Faut que tu utilises tes ressources comme du monde pour pas tout perdre. Parce que à la fin d'un étage, bon, tu vas te retrouver devant un boss qui est vraiment, vraiment très cool à battre. T'sais. Tous les petits détails qu'il y a là-dedans sont vraiment hallucinants. Il y a énormément de détails au niveau des animations puis du gameplay. C'est le fun parce que le développeur, justement, au départ, avait sorti le jeu sur PC, puis les balles étaient tout petites, puis ça rendait le jeu tellement trop difficile pour rien. Ouais. Le jeu est difficile, mais c'est un jeu qui pardonne quand même. Si tu développes une bonne technique, tu vas réussir. Puis il y a aussi la roulade qui te permet d'éviter certaines balles, ouais. Un peu comme le loop qu'il y a dans certains shmups. Fait que c'est ça, c'est vraiment... Sérieusement, c'est un super bon jeu. Je pense que c'est un jeu qui s'adresse à peu près à n'importe qui aime les jeux vidéo. Tu n'as pas besoin d'être un hardcore gamer pour jouer à ça. Tu vas finir par comprendre parce que le but du jeu, c'est simple. Là. C'est avance, tire avec ton gun, recharge au bon moment. Puis that's it. Après ça, c'est vraiment... Si t'as trippé sur le Super Nintendo, sérieux... C'est comme un jeu pour toi. On dirait que c'est un jeu de Super Nintendo. Je sais pas pourquoi. Il y a comme l'âme d'un jeu Super Nintendo. Même la musique, tout ça. C'est... True Lies. Ouais, True Lies. C'est True Lies en 8 bits. C'est vrai, hein, t'as raison. 16 bits. Hein. Fait que, non, c'est ça. Fait que ce jeu-là, c'est vraiment c'est de la méga bombe. Il aurait pu être mon numéro 1, mais mon numéro 1 l'a déplacé. C'est vraiment très bon. Là. Achetez-le, ça n'a pas de sens. Ça me tente. Là. C'est vraiment le fun, sérieux. Ça me parle au bout. Prochain WEG. Tu peux te jouer à deux, trois personnes? Oui, c'est ça. Tu peux jouer à deux, pas à trois, mais tu peux jouer à deux en co-op, tu sais, puis monter ton bonhomme. C'est ça, ce qui est le fun, c'est qu'en fait, quand l'affaire que tu débarres là-dedans, c'est que si tu débarres une arme, tu découvres une arme, cette arme-là, tu vas avoir plus de chances de la trouver durant tes prochains plays. Fait que tu recommences tout le temps à la base. Mais tu vas retrouver tes affaires. Puis il y a plein de choses à débarrer là-dedans. Il y a quatre personnages à choisir qui ont quatre habiletés différentes. Les quatre se jouent différemment. Puis tu peux jouer avec une personne pour plus de plaisir. Ah oui, Dom, c'est un projet pour le WEG, effectivement. Ah ouais, ça, ouais. Non, ça, sérieux, man, tu vas capoter. Ah ouais, il va falloir jouer tôt. On le met ça à l'aise avant qu'il soit trop tard. avant que les boîtes de couches ne brûlent. Avant que je peux mettre à brûler des tostitos sur les boîtes de couches, pique-nique, panique, ben red. Dom, on a parlé tantôt, ton numéro 2. Mon numéro 2. Oh, monsieur! Ah, ils ont vraiment mis... c'est comme du gameplay. C'est Nicolas Scherz. C'est du gameplay, ça. Gameplay, ouais, c'est mon nouveau jeu d'église. Pendant une seconde, parce que c'est chez nous. Ben, c'est Pokémon Go, parce que j'ai pas le choix de l'admettre. J'ai joué en tabarnak à ça, puis je joue encore d'ailleurs. Mais je joue. Comme je disais, puis c'est encore vrai, je vais pas prendre des marches spécifiquement pour ça ou whatever. Mais ouais, je l'ai tout le temps sous la main. Oh, ouais. Je garde ça à jour, puis ouais, je check mon shit, puis ça va, je manage mes œufs, tu sais. Ouais. Moi, ce que j'aime de ça, c'est la gestion de ça, tu sais. C'est ça que c'est le fun, là. OK, ouais, là, il est un peu poche, là, mon aquali, là. Fait que je vais m'en craquer un plus beau. Puis là, je suis rendu assez haut en niveau, ben, genre 25, je sais pas quoi. Il faut que je garde tous mes Pokémon en bas. Genre, je les accumule jusqu'à ce que je sois plein pour que je me mette un œuf de chance, que je les fasse tout évoluer, que je les crisse tout au vidange. Parce que de faire évoluer un Pokémon, ça te donne l'XP. Fait que là, ça double l'XP. Fait que j'évolue des Rokules pendant une demi-heure. Puis ça fait de l'XP. J'ai comme pas le choix de faire ça. Mais j'aime que le jeu, il t'en donne de plus en plus. Ouais. Dans le temps de l'Halloween, ils ont mis 3-4 Pokémon spéciaux, puis il y avait juste ça partout. Des ossatueurs, ah ouais. des Fantominus. Il y en avait 2-3 là-dedans que j'avais jamais pogné avant. Là, je suis comme, ça fait 3 en ligne que je pogne en marchant. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. J'allais voir sur Internet, puis ils ont fait un petit spécial. Là, ils ont fait un Pikachu avec une tuque de Noël. Ma blonde l'a attrapé. Bon. Oh, fait que là, j'espère que ça va la remettre dans le game un peu plus parce qu'elle est en train de décrocher, puis ça me fait de la peine. Parce que, ouais, on en parle au souper, puis elle a on fait en parle comme... parce que les enfants en parlent aussi. Tu sais, on est une famille Pokémon, ça fait que c'est ça qui se passe. Elle est plus capable. Mon gars, il écoute des Let's Play de Pokémon Go, man. Des gars qui disent « Oh, qu'est-ce qu'il va avoir dans mon œuf? » Tu sais, c'est malade. Mais je vais pas m'étendre là-dessus, là, mais moi, ça me plaît, Pokémon Go, puis même si je trouve pas que c'est tant un jeu, c'est comme une chose à faire dans ta vie de plus. Des fois, je suis un peu écœuré, je ferme ça. Oh. Mais même quand je check pas les Pokémon, je le laisse allumer pour faire marcher ben Joseph. Oui. Ah ouais. Et puis mon compagnon. Un gars brillant. Exactement. Fait que, écoute, je suis encore pogné là-dessus. Là. J'aime ça au bout. Numéro 2 de Nick. Ouais, mon numéro 2. Ah oui, oui. Mon cœur a saigné. Celui-là aurait pu, moi aussi, comme Bruno, être numéro 1. C'est ça, Overwatch, là. C'est Blizzard, en fait, qui s'est lancé dans l'aventure d'un first person, mais pas vraiment shooter, mais team shooter, team-based shooter. Ça, dans le fond, c'est vraiment le fils spirituel de Team Fortress 2. Ouais, ouais. Tu sais, un petit peu cartoony. Le gameplay ultra tête, les environnements colorés, les personnages ultra, ultra sympathiques. Ils ont des accents, un petit peu comme dans Team Fortress 2, mais ils sont tous sympathiques, tu sais, puis c'est drôle. Ils font des jokes, tu sais. Avant les parties, t'es comme dans un endroit clos pendant que le timer descend pour que tu puisses commencer. Puis tu sais, par exemple, on voit Reinhardt, le gros, c'est un Allemand, tu sais, puis il trippe sur David Hasselhoff, tu sais, puis il fait des jokes. Puis, il se lance des petites craques, puis les personnages interagissent entre eux. Tu sais, c'est vraiment un exemple impeccable de... Tu peux donner de la vie à un first-person shooter. Ouais. Tu peux donner une couleur sympathique, tu peux donner de la personnalité à tous tes personnages, les faire attachants. Tu sais, le monde, ils virent fou en cosplay d'Overwatch, puis il y a une bonne raison. Les personnages sont super beaux, sont attachants. Mais oui. Le gameplay est incroyable, puis c'est un jeu vivant, tu sais, donc c'est un jeu en ligne. Ils sont déjà rendus à la 3e saison au niveau de compétitif. Ils font beaucoup de balance, puis un petit peu comme Pokémon Go, même à outrance, Blizzard est reconnu pour faire des événements spéciaux. Fait que, tu sais, à l'Halloween, il y a quelque chose, tu sais. Puis à chaque semaine... Ouais, j'ai vu qu'il y avait semaine, quoi, là, pour Noël. Ouais, de Noël, tu sais. Puis ils donnent des loot. Tu sais, dans le fond, t'as des loot crates, là. Tu vas ouvrir des trucs, puis tu vas avoir des affaires, soit des nouveaux costumes ou des nouvelles poses ou des nouvelles voix, tu sais. Il y a beaucoup de trucs à débarrer. Ce qui fait que t'as tout le temps, à chaque fois que tu passes un niveau, t'as une nouvelle boîte, t'as un petit bonus qui fait que, c'est le fun, tu continues. Super jeu, vraiment, là, tu sais, c'est un jeu parfait, là, impeccable, là. Tu sais, puis plus il évolue, encore, mieux il est. Depuis qu'il est sorti, il y a 2 nouveaux personnages qui ont été ajoutés. Puis ils vont en rajouter encore. Puis c'est des personnages gratuits. Là. Dans ça, là, leur modèle d'affaires est assez simple. Ils te vendent le jeu, tu payes le plein prix. Blizzard ne baisse jamais leur prix, fait qu'il doit être encore à peu près 80$. Par contre, ils donnent le nouveau contenu additionnel. La seule chose, c'est qu'ils te vendent des... T'sais, si tu veux débarrer le contenu plus vite... tu peux aussi acheter des packs, dans le fond. Ou tu y a certains skins que tu peux payer pour avoir. Mais c'est vraiment... fait que tout dans le fond, si toi, ça t'intéresse plus ou moins le cosmétique, là, tu peux juste jouer le jeu, tu l'as acheté une fois, puis tu as tout le contenu. Là. Okay. Fait que vraiment, vraiment un super jeu. Là. Si vous aimez les first-person shooters, si vous avez joué un petit peu à Team Fortress, soit le classique ou le 2, garochez-vous là-dessus. Là, ça, là, pour bien des gens, c'est le jeu de l'année. Là. Moi, comme je dis... T'sais, mon cœur saignait entre les deux, là, vous allez voir mon premier, mais ça, là, c'est incroyable. Super jeu. On pourrait-tu nommer le GoBots d'Overwatch juste avant de changer parce que j'aime ça? Bloodborne qui est constamment spécial. Ça va pas bien, tu sais. Il y avait des rumeurs de free-to-play. Prenez-le. Ah, mais c'est écœurant, hein, Overwatch. Ça m'a pris une game, j'étais accroché, je pense. Ah ouais, tu sais, mais tout est le fun. Dans le fond, le nain qui fait des tourettes, il y a un accent suédois, tu sais. T'as une française là-dedans aussi, moi. Ouais, ben oui. Black comme Widow. Un américain, là. Black Widow, elle a vraiment un bel accent. Tu sais, qu'il lance des bonnes Evil, Canevil. Ouais, t'as main. Fait que tout le monde est représenté. Il n'y a pas encore de tireur québécois ou canadien, tu sais. Bûcheron, c'est d'erreur. Dans 3 ans, j'aimerais ça, il va peut-être m'avoir. Tabarnak! Tabarnak! Ça serait hâte, là, mais tu sais. Ça, faut que je le retrouve, honnêtement. Bobby Beaulieu. Non, mais j'ai travaillé avec un gars, à l'époque, chez BioWare, Carl Boulay. Il a travaillé pour une petite boîte, puis un moment donné, ils ont fait genre les dialectes. Je pense que c'est un jeu d'Ubisoft. Ils ont mis des tabarnaks. Oui, c'est ça. Il y a des personnages qui sacquent. Il faut que je le retrouve. Je vais essayer d'en parler la prochaine fois. J'entends ça dans un podcast. Écoute, c'est incroyable. Fait que je vais vous trouver ça. Mais il n'y a pas encore ça dans ce jeu-là. Mais allez-y, garochez-vous, achetez-le. Il aurait été numéro 1. Ouais. Ah ouais, ça aurait été numéro 1. On est rendu au numéro 1 d'ailleurs. Oh boy! Les 3 derniers jeux de l'année, mesdames et messieurs. Fait que moi, mon numéro 1, c'est Uncharted 4. Sérieusement, j'ai... Non mais pour vrai, j'ai hésité, mais c'est vrai que j'avais pas le choix. Tu sais, c'est ce jeu-là, il y a tellement de travail qui est mis là-dedans, ça n'a aucun calique de sens, tu sais. C'est combien qu'il y a de divorces? Ouais, exact! Des divorces, des bébés, du monde qui sont... Non, il n'y a pas eu de suicide, j'espère. Je pense pas. Mais tu sais, c'est vraiment... Ce jeu-là, c'est juste incroyable. C'est comme le... Moi, quand j'étais petit, je rêvais un moment donné quand je jouais à Castlevania, un jour, de jouer à tout ça, puis que ça ait l'air d'un film, tu sais. Ouais. Pis c'était vraiment mon rêve. J'étais comme, à un moment donné, Castlevania va être vrai. Puis c'est vraiment ça, Uncharted. Sérieusement, on est rendu là. L'histoire a été écœurante. T'as le goût de savoir ce qui va se passer avec les personnages. C'est vraiment bien travaillé. Le gameplay est super bien balancé. Ce jeu-là a peut-être un petit problème de longueur, d'après moi. D'après moi, Uncharted 4 est trop long. OK. Mais ça, c'est un problème que les gamers d'aujourd'hui n'ont pas. Ils trouvent que quand un jeu est trop court, c'est de la merde. C'est pas mon avis. mais c'est ça. Bref, je veux dire, ce jeu-là, moi, j'ai rien à dire de négatif dessus. Même le multiplayer est très solide. Puis c'est ça, Naughty Dog arrête pas de le peaufiner puis de l'arranger. Puis ils ont annoncé dernièrement au PlayStation Experience le DLC qu'il va avoir, qui est un genre d'antépisode à Uncharted 4 qui va vraiment agrandir l'univers de tout ça. Puis en plus de tout ça, c'est le dernier Uncharted qu'on va avoir. Ils l'ont confirmé que c'est les dernières aventures de Nathan Drake. Fait que c'est ça. Quelle façon de partir en force. C'est vraiment de la bombe. Fait que c'est ça. Si vous avez une PS4, d'après moi, c'est le jeu à acheter avec la PS4. Ça représente à peu près tout ce que vous voulez voir dans un jeu next-gen. Je pense pas qu'il y a vraiment de jeu qui est plus beau que ça ou plus léché que ça cette année, même les années auparavant. Fait que c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. T'es un grand fan de la série. Ouais, je suis un gros fan de la série Uncharted, étant un gros fan d'Indiana Jones, puis que, anyway, ils ont jamais voulu faire de ce type de jeu d'Indiana Jones à part LucasArts. Ouais. On l'aura pas, fait que c'est le plus proche qu'on va avoir d'Indiana Jones. Il y en a NES, là, d'ailleurs, s'il y a du monde qui ont le Indiana Jones de Ubisoft au NES, j'en ai vraiment besoin. Il y en a un de Taito, puis un de Ubisoft. Ah ouais? Celui d'Ubisoft, il est pas trouvable. Il a-tu été distribué en Amérique du Nord? Je sais pas c'est quoi l'histoire derrière ça. Puis c'est drôle parce que le logo d'Ubisoft dessus, vieux Chris de logo d'Ubisoft. Le blanc avec le rainbow, là? Non. Avant ça c'est un losange rose avec un carré. C'est vieux, c'est ça. C'est way out there. Okay. T'as jamais vu ça de ta vie. C'est fascinant. C'est vraiment intéressant. Il y a une couple de jeux de Super NES qui ont ce logo-là aussi d'Ubisoft. OK. Shit, je savais pas. Donc, Dom, ton numéro 1. Dom. Avant que tu mettes l'image, je veux juste dire que le GoBot... De Overwatch, on s'est trompé, c'est Battleborn. Ah, ouais, c'est Battleborn. Eric, il dit que Bloodborne, c'est plutôt le GoBot de Dark Souls. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est vrai qu'on a parlé. Ouais, mais c'est la même compagnie que Dark Souls. Ah, Bloodborne. Mais Bloodborne, c'est le GoBot. Et voilà. Ouais. Hey, mon numéro 1 cette année, écoute, c'est The Lone Ranger au NES. Ah ouais. Ce jeu-là m'a complètement comme pris par surprise. Je m'attendais à de quoi de briser ou de quoi de très random, n'importe quoi. Pas savoir où aller, pas savoir quoi faire. Bayou Billy 2. Ouais, ben Bayou Billy, c'était juste de l'action, mais je savais que... Ah, mais ça, il y a bien trop là-dedans. De gimmicks là-dedans pour que ce soit intéressant. Ben non, ben il y en a beaucoup, mais c'est maîtrisé. C'est ça. C'est bien pensé. Puis là, t'as un overworld ici, mais on te perd pas, là. On t'envoie pas d'un niaisé là, pendant des heures, whatever. Tu sais, très vite, tu sais quoi faire. Plusieurs styles de gameplay. Side-scrolling, shooter à la Contra, mais bon, beaucoup plus lent. Du top-down shooting. T'as du shmup. Ben, ils ont pas du shmup, du tir avec le zapper. Ah, la première personne. T'as ton cheval qui peut courir. T'as du tir sur ton cheval à la première personne. T'as du tir en side-scrolling avec ton cheval. Y en a d'autres, là. Ah, t'as une affaire sur un classique, là, dans une mine avec un fourgon. Là, comme on l'a vu tantôt pour Donkey Kong. Ouais, c'est ça. Ah non, attends, excuse, y a pas ça là-dedans. Ça, c'est avec le cheval. Mais en tout cas, ça pour dire que t'as genre 6-7 sortes de gameplay. Quand même. L'histoire, elle est fun parce que y a des belles cutscenes là-dedans. Il y a de la bonne musique. C'est fait par Konami. Late release de Konami. Ouais. Faut que tu checkes tes balles, t'en achètes, tu vas chez le docteur. T'as pas trop de gossage avec ça. Tu fais vraiment comme juste acheter d'autres guns. Il y en a trois. La seule différence, c'est qu'ils tirent de plus en plus loin. Et puis, t'as deux sortes de balles. Les balles normales puis les silver bullets. Ah ouais. Les silver bullets font plus mal puis c'est tout. Et puis, c'est ça. Donc, beaucoup de marche dans le village. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de lieux à rencontrer. T'attaques des Indiens, t'attaques la cavalerie, puis t'essayes de tuer, comment il s'appelle? C'est pas Butch Cassidy, c'est... Butch Cassidy existe. Là. Ouais, je sais, mais ils ont comme twisté ce nom. Ouais, ils l'ont dit. C'est très drôle. Vers la fin, les deux derniers niveaux, il y en a 8, sont vraiment très difficiles. T'as un password pour recommencer au début de chaque niveau. J'appelle ça plus un monde, là, parce qu'il y a plusieurs choses à faire dans chaque monde. Puis si t'as une vie, si tu meurs dans ton monde, tu recommences au début du monde. Donc ça, c'est un peu déprimant. Surtout à la fin, parce que c'est très dur. Mais faut prendre son courage à deux mains. Puis t'as envie de le réessayer. Puis tu connais le pattern, tout ça. Puis ça va de plus en plus vite. Donc, un jeu On The Rise aussi, qui se vend à peu près 40$ présentement. Et que je prédis qui va passer... qui va presque doubler l'année prochaine. Je suis sûr, ça va aller très, très, très vite. Déjà, je sens comme un genre de vibe. Là, j'en ai eu deux à vendre dernièrement de ça. Puis comme le monde, ils achètent tout de suite. Là, le monde se jette là-dessus. Donc, très hot. Très, très hot. J'ai adoré ça. Malade. Good. T'avais fait la critique dans l'épisode 92, je pense. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Peut-être que c'est pour ça qu'il est mon premier, parce que je l'ai encore frais en tête. Ouais. Ça a été ma dernière plus belle expérience. Mais non, j'ai bien aimé ça. Moi, c'est mon année NES. Là, cette année, j'ai vraiment joué beaucoup au NES. Là. Mon Super NES a de la peine. Je l'utilise plus. Là, c'est sympa d'allure. Love me. Numéro 1 de Nick. Nick. Ouais. Surprise générale. Ouais, surprise. Oh my god. Street Fighter 5. Oh. Donc, le mal-aimé Street Fighter 5, j'aimerais dire. Ouais, c'est nommé dans quelques listes le pire jeu, un des pires jeux de l'année. Écoute, en fait, ils n'ont pas eu un super bon lancement, ce jeu-là. Ouais, il manquait certains features, tu sais. Mais si on regarde aujourd'hui, toute l'année, mettons, tu me dis, j'ai un petit après-midi de gaming, tu vas choisir de jouer à quoi? Immanquablement, je choisis Street Fighter. Ouais. Il a évolué tout au long de l'année. Il y avait une couple de petits bugs. Il y avait des manques. Comme il n'y avait pas de story mode quand ils ont sorti. Ils ont sorti vite, en fait, parce qu'il y avait le Capcom Cup, qui est comme une compétition de Capcom. Puis il y avait Evo qui avait lieu cet été, qui est la grosse compétition de fighting game. Puis ils voulaient être sûr que le jeu soit là pour pas manquer cette fenêtre-là. Ouais. Pour ce faire, ils ont sorti un jeu qui était essentiellement multijoueur. Puis ben, ça n'a pas plu à tout le monde. Puis surtout pas les critiques qui vont jouer beaucoup au single player. Moi, ça me dérangeait pas, je joue la majorité de mon temps en ligne contre du monde ou je suis dans le terrain de pratique là, à frapper un demi là, qui me frappe pas en échec. Je peux pratiquer à devenir meilleur. Mais super bon jeu. Ils ont fait des ajustements aussi au niveau de... Il y avait des petits lags au niveau de l'input. Ils ont corrigé ça. Là, il y a la saison 2 qui sort. Ils ont rebalancé tous les personnages. C'est demain, en fait. Et il y a Akuma qui rentre dans le jeu, tu sais. Mais ça, là... Puis tous les joueurs professionnels disent « OK, les changements qu'ils ont faits, ça va être vraiment intéressant. » Fait que là, la balance va être là un peu mieux. Vraiment bon jeu, tu sais. C'est pas facile de nos jours, je pense, sortir un jeu de combat avec les médias sociaux, tu sais. Parce que tout le monde est un expert, un champion, tu sais. Puis ils font des critiques sur des trucs qui, des fois, ne comprennent pas nécessairement. Puis là, ça, ça s'en va en boule de neige. Là, puis là, c'est la pire jeu. Il y en a qui disent que c'est le pire lancement de jeu de combat de l'histoire. Puis ça n'a pas rapport. Ouais, puis il y en a qui l'ont juste rayé pour ça. Ouais, là, c'est ça, fini. Mais... Il n'y a pas moyen de se racheter. Mais moi, je pense que, premièrement, les jeux en 2016 non rétro, un jeu au lancement pourrait manquer son lancement. Puis au niveau des ventes, ça sera pas tellement bon. Ouais. Mais des fois, il y a des petits twists qu'ils peuvent faire par la suite pour corriger certaines imperfections. Puis Street Fighter l'a très bien fait. T'sais. Ils ont rajouté des personnages en masse les gens attendaient au niveau du DLC. C'est vraiment une belle offre. Puis tu sais, je pense que Capcom disait qu'ils ont des plans pour Street Fighter jusqu'en 2020. Quand même. Vous l'achetez, il y a au moins 4 ans de jeu là-dedans. Puis la communauté en ligne va toujours être là pour jouer. Yeah, oui. Puis c'est tout le temps excellent. On a un party de famille. Là, vous faites jouer votre famille, vos amis. S'ils ne savent pas jouer, faites-les jouer ensemble. Ah ouais, c'est mais ça. Faites-les pas jouer contre Nicolas. Non, c'est mais c'est agréable à regarder. Hey, c'est l'honneur comme expérience. Mais bon, j'ai fait des matchs contre Zeph et Méthode Cobra. On s'est pris des petits. C'était excellent. En fait. Fait que, il était meilleur. Donc, mais super jeu. Allez-y. Puis si vous aviez boudé ce jeu-là au lancement, ben allez-y. Je pense que sur Steam, vous pouvez trouver des codes là, pour pas trop cher, là, à mettons 39-40$ canadiens. Puis probablement qu'au Boxing Day, vu que c'est un jeu qui a déjà un an, vous allez pouvoir le ramasser. Non, mais oui. En tout cas, donnez-y une chance. Vrai bon jeu. Si vous avez aimé un Street Fighter dans votre vie, essayez celui-là. Exact. Hey, moi, j'avais, en terminant, j'avais quelques toutes petites mentions spéciales qui sont pas dans mon top, mais je tenais absolument à les souligner. En début de show, j'ai parlé de Final Fantasy XV, qui est vraiment malade. Là. Ouais, moi aussi, je l'ai pas mis parce que j'ai pas assez joué pour. C'est ça. Notre expérience n'a pas été assez longue, mais je considère que c'est vraiment un des meilleurs jeux de l'année. Là, ouais, c'est ouais. sûr et certain. Sans aucun sinon, il y a aussi, Trackmania Turbo, que moi, j'ai joué vraiment beaucoup. Qui est très bon, qui est un jeu d'Ubisoft de racing, mais aussi de cascade et de trucs comme ça, d'essayer de faire des pistes très courtes, très rapidement. Il y a aussi Overcooked. Ça, j'ai hâte d'essayer ça. C'est vraiment excellent. C'est une grosse surprise. C'est Eric Hébert qui m'a mis sur la bonne track. Puis c'est un jeu de bouffe, en fait. C'est que tu fais de la nourriture. Ah, j'en ai parlé de ça, ouais. Fait que tu sais, faut que tu prépares une affaire, genre tu prépares un burger, c'est comme va chercher de la salade, là, mon burger, faut qu'il y ait salade, tomate, puis de la viande, là, tu s'en vas chercher le pain, man, faut que tu fasses cuire la viande, t'en ramènes, lave ta casserole, lave tes affaires. C'est comme Pressure Cooker dans le fond. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est ça qu'Éric a dit, il avait jamais joué à Pressure Cooker, puis moi j'ai jamais joué à Overcooked. Quand on s'est mis à parler de ça, tu sais, on a comme réalisé, ah, Chris, c'est carrément c'est le ça. Nouveau Pressure Cooker, qui est un jeu d'Activision sur Atari 2600, qui est excellent d'ailleurs. Là. Ah, c'est vraiment cool ça. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment le meilleur jeu multiplayer de l'année en next-gen. Là. C'est comme c'est vraiment une grosse découverte. Puis tu peux jouer à 4 à ça. Sérieux, je pense que pendant les fêtes, c'est un incontournable si vous avez une console puis 4 manettes chez vous. Là, vous allez vraiment avoir du fun. Prochain WEG aussi. WEG, on va jouer en maudit. Puis ma dernière mention, c'est Headlander, qui fera peut-être pas les tops, mais qui est de la méchante bombe. C'est un jeu que j'ai critiqué à Retro Nouveau. C'est un jeu d'Adult Swim où tu peux, peux enlever ta tête et mettre sur un autre corps. C'est un Metroidvania. Très, très, très, très, très bon jeu qui est tout le temps spécial. Tu peux l'avoir pour 10$. Vraiment, vraiment bon. Nice. Good. Donc, Père Noël, on a passé au travail, messieurs. Moi, j'avais juste un petit jeu, en fait, que vas-y. Mais que j'ai trouvé ça assez le fun, en fait. C'est Live Lock. C'est un jeu qui est fait ici à Montréal par Tuck Game, dans le fond. Ouais. Que je pense qu'il a fait un party à ton bar à un moment donné. Mais c'est comme un peu un espèce de clone de... Ben, pas un clone, mais un hybride entre StarCraft et Diablo. Là, ça se passe dans une espèce d'état post-apocalyptique. Là. Tu fais comme des créatures intelligence artificielle. J'ai acheté ce jeu-là pas trop cher. J'ai joué, puis c'est vraiment une belle expérience. Ouais. Tu sais, de solo là, le soir à ton PC. Là, en tout cas, que t'sais, ça m'a fait penser ça, à du bon Diablo, tu sais. Ou à Torchlight, pour ceux qui ont joué, en fait. Ouais. C'était comme un autre clone de Diablo, un peu indie, là. Fait que Live Lock, beau petit jeu, le fun, que je vais essayer de passer plus de temps cette année avec. Dernière mention, j'ai oublié, excusez, c'est fini après. Teeny Titans sur iOS, la Christie de bombe. C'est comme, prenez Pokémon, puis mélangez-le avec Teen Titans Go, puis vous avez vraiment un jeu mobile hallucinant. Téléchargez ça, de la bombe. Bon, stuff gratuit pour les gagnants. On va aller au tirage. On va mettre la vraie tune au moins. Hein? OK. Alors, le tirage, donc, on vous rappelle qu'il y aura trois positions. On fait ce qu'on a dit, là. Ah oui, dans le fond, c'est une question. Une question, puis les trois répondeurs. Trois réponses les plus rapides vont avoir 1, 2, 3. On vous rappelle que c'est pour gagner Batman Telltale, un code pour Shantae 3DS, Shower With Your Dad, Punch Club, un T-shirt de Rétro Nouveau. Ça, c'est le premier prix. C'est quand même un bon bundle, là, tu sais, c'est bien. Ouais. Deuxième prix, Shower With Your Dad, puis T-shirt de RZO. Et le troisième prix, un code de Shower With Your Dad. Donc... Vous allez être propre en tabarnak. Vous allez être après chaud, là, les pixels bien lavés. Oh là là là là. Donc, la question, quel était le numéro 10 des trois gars, en fait, au début du show? Position numéro 10 de Dom, Nick et Bruno. Oh. On prend vos appels et on a un T-shirt. Même moi, j'ai de la misère à m'en souvenir. Je les ai ici si tu veux les voir, Dom. Hey, c'est tough. Ouais, j'espère que tu les as pris en ouais, note. Ouais, j'ai OK. Hey, faut pas voir ça ouais, à l'écran. Ça. C'est impossible de voir quoi que ce soit à l'écran. Pendant que les gens répondent, veux-tu qu'on fasse le tirage Dom ou Bruno pour le Patreon? Eh oui, on pourrait faire le tirage pour ouais. le dans Patreon. Dans cette magnifique casquette ici, ouais. Arcade Montréal. Montréal. Non commandité. J'ai repassé une nouvelle batch de t-shirts, là, mesdames et messieurs. Il nous restait juste des smalls. Puis là, on a upgradé la qualité d'une coche. Ils vont nous coûter un peu plus cher, mais on va en avoir toutes les grandeurs. C'est cool. Supposé rentrer avant Noël. Good, good. Alors, on a le nom d'une gagnante. Oh! C'est Jennifer Vallière. Merci, Jennifer. Yes! Patreon. All right. Patreon. Ouais, Patreon. Donc, merci à tous les Patreons cette année. Merci de nous contacte-nous sur Facebook ou je vais t'envoyer un courriel pour savoir sur quelle console tu veux ta carte cadeau, en fait. Yes! Puis on va faire ça probablement l'année prochaine. Les Patreons, on va essayer de faire tirer des codes de jeu pour ceux qui donnent là, oui. Assez régulièrement. Là, je pense que c'est la bonne façon de le faire. Là. Batch de jeu Atari exact. Aussi. Là, qu'on ouais. faire on peut-tu faire tirer ton jeu Atari là, de fourrage, là? On a joué à ta soirée Atari au bar. Là. Ah non, ils valent cher les jeux de fourrage à l'Atari. Ça, c'était louche à souhait. Je les garde. C'est précieux. Mes jeux d'Atari. J'en revenais pas quand j'ai vu ça, par exemple. Mais on préfère tirer l'année prochaine aussi, de temps en temps, des parce qu'on a à cette heure des certificats cadeaux de Montréal. Ben oui. 20$. Certificats cadeaux de 20$. Ouais. Ceux qui sont en région. Vous avez payé le cover, par exemple, on s'excuse. Ouais. Mais 2017 commence en grand dans pas long puis on va faire des améliorations à nos affaires, on changera rien. Non, on reste le même format là. On va garder le même format, ben, on aime ça. On devrait avoir un vrai studio bientôt là, ouais. Si je peux vendre mon tel du condo là, ça sent bien. Ouais, juste c'est ça. Ça va faire du bien. On va pouvoir faire des let's play en groupe plus facilement. Alors, ouais, on va attendre que tout le monde déménage. Là. Ouais, c'est ça. Parce ouais, que tout le monde déménage sauf moi. Puis Mario, j'imagine, j'espère. Eh oui. Fait que, après ça, on devrait être sur nos pattes. Non, non, on continue à rouler comme on fait là. Là aux deux semaines exact. À partir de janvier 2017. Des petits Kaizen. Des Kaizen. Amélioration continue. Oh! Je suis devenu tout le temps meilleur. Comme des petits yes. On a-tu des gagnants? Ben, on aurait. C'est parce que si je dis, mettons, oui, on a un gagnant, les autres ont juste à copier sa réponse. Ouais, mais. Voilà, on y limite à ce ouais, qu'on peut mettre. Ouais, mais juste bon, checker. Ben, y a-tu d'autres si jeux? Si on a un numéro 1, ben, 2, 3. On a une personne qui a répondu. Wow! Fait que. Est-ce qu'on donne une question plus facile? Sinon, on va donner 2-3 questions. Moi, je pense qu'on préfère gagner à lui. OK. Puis après ça, on fait d'autres questions. OK, ben, qui a gagné le grand prix Bonne Noël? Monsieur Eric Le Chapeau Théroux a gagné le Bonne Noël de Rétro Nouveau cette année. Et les trois bonnes réponses étaient nos top 10. Nos 10e jeu à chacun: Batman Return of the Joker, Pokémon Go et Stories Paths of Destinies. Alright. Contacte-nous en privé sur notre Facebook et je vais avoir 2-3 questions pour toi, dont ta grandeur de t-shirt là, puis des affaires comme ça. Fait que on va jaser, on va t'envoyer des codes. Un numéro de carte de crédit aussi avec le code à l'arrière. Et voilà, ouais, le pin. Merci. Alors, deuxième question, assez facile. Pour le t-shirt de Rétro Nouveau et Shower With Your Dad. Qu'est-ce qui se passe présentement chez Papa Cassette? Dans quel univers Nippon vit-il avec ses enfants? Il est en train de perdre la tête, on s'attendrait pas à ça de lui. Ouais. Donc, voilà, on veut savoir qu'est-ce qui se passe chez Dom. Qu'est-ce qui se passe chez nous, qui est comme étrange. Qu'est-ce qui se passe chez la famille Cassette? C'est ça. Quel est l'engouement? Quel est l'engouement 2016 du moment, chez les Cassettes? Ouais. Un petit indice. Il a été trois fois dans le top. Ah non, c'était pas ça que j'allais dire. Ah, ben, c'est déjà gagné, mesdames et messieurs. Avec l'épilepsie. C'est gagné par monsieur Nicolas Desrosiers. qui remporte ça. Excellent. Écoute, moi, j'approuve. Sérieux, là. Ouais. Quand t'as un nom de même, t'es juste un champion. Good job. Fait que toi aussi, il est gentil, Nicolas. Je le vois de temps en temps chez Arcade Montréal. C'est un bon Jack. Toi, avec, contacte-nous dans le chat Facebook. On et la troisième position. Ton ouais, et pour le Shower With Your Dad tout seul, là... Okay, attends, donnez-moi le nom complet du jeu Shower With Your Dad. C'est quoi le vrai nom complet? En fait, faut que je regarde les réponses parce que c'est moi qui le sais. Moi, je sais pas, là. Ah oui, ben oui, moi, je le sais. Ouais, tu le sais. Bon, en tout cas, sinon, on peut en trouver une autre, là, si les gens le savent pas. En fond, ça prend juste une petite recherche sur Google. On a un cri de ralliement qu'on fait une fois de temps en temps. C'est rétro nouveau, quoi? Ça fait penser un peu à... À d'autres choses. À Poké... Il y a comme un délai sur le chat en même temps, ça nous aide pas en ce moment. Après cette fin de show. Là. Oh, il y a des gens qui ont commencé à mettre des réponses. Alors, on a Simon Barbeau qui vient de remporter Shower With Your Dad Simulator 2015. Bravo, Simon! Ah, nice! Fait que Simon, envoie-moi aussi ton adresse courriel dans le chat de Retour Nouveau. Je vais t'envoyer le code. J'ai même pas ça dans mon téléphone, moi, les réponses. Ben, moi, je l'ai vu. Les plus vite dans ton Jeff, il est connecté. Moi, je suis directement dans les veines. T'es direct dans les veines de l'informatique. La matrice. All right, tu gagnes. Il voit plein d'affaires qu'on voit pas. OK, Jeff, ça vient de rentrer. C'est Étienne Brizard. Non, il y a quelqu'un qui l'a gagné avant ça. Moi, j'avais Simon Barbeau l'a gagné avant. Simon Barbeau? Je lis ici, moi. En tout cas, on le voit, là. Il est 11h26. On 11h26, JF l'a vu à 11h13. Bon. On reverra notre méthodologie de tirage en 2017, peut-être. J'ai même pas ça. On va faire inviter Cooper, Libran, la Liberté Lanto, là, tu sais. All right. Moi, je veux savoir, messieurs, vous allez jouer ça à quoi pendant le temps des fêtes? C'est quoi votre gaming des vacances? Oh, monsieur. Ninja Gaiden 3. Oh, j'ai de faire le 1, j'ai fait le 2. Là, faut que je fasse le 3, man. Ça va être... Ça va être tough. Je veux jouer à Frankenstein au NES. Il y a un jeu qui s'appelle Frankenstein quelque chose. Là. C'est un genre de jeu de Bandai qui est pas si... c'est pas la grosse affaire, mais c'est un petit jeu relax, le fun, à ce qu'il paraît. Donc, il faut que je joue à ça. Je veux me remettre au Super Nintendo et jouer au jeu que j'ai payé cher, Metal Warriors, que j'ai même pas joué encore, que j'ai juste commencé pour effleurer un peu. C'est un jeu très complet, ça, de mec et puis de il se passe plein d'affaires là-dedans. Donc, très intéressant. Fait que vite de même, là, c'est ça. Et puis, c'est bon. J'essaie de compléter mon set en 2017. Là, tous les jeux de Nintendo, sauf Stadium Events. C'est impressionnant. Ouais. Ouais. Moi, je vais y aller avec Battlefield 1. J'ai la piqûre. Street Fighter 5, la nouvelle saison 2 qui commence. Akuma qui va être disponible. Je pense que je vais me pratiquer pas mal avec. Puis Overwatch, c'est assez plat. Mais par contre, j'aimerais passer du temps de qualité avec la NES Mini. Donc, je vais essayer de faire une couple de games, incluant Bubble. Là, ça fait un petit bout que j'ai pas fait un playthrough. Là, puis, ça me manque. Tellement le fun. Un petit Bubble pour relaxer. Ouais, c'est dans le temps des fêtes, en co-op là, avec ma tante ou bien avec ta blonde. Avec ma soeur. Ta soeur. Mais ma blonde aussi. Fait que les deux. C'est un jeu qui a attiré les filles à l'époque. Tu sais, Oui. Tu trouvais ça coloré. Les filles adorent Bubble. Exact, ouais. Vraiment. Super. Merci, Taito. Moins, je veux pas sortir avec toi, mais j'ai Bubble. Alors, c'est vrai. Non, ça. Eh oui. T'avais le petit papier quand t'étais kid. Tu m'étais « Veux-tu sortir avec moi? » Oui. Non. Bubble. J'ai Bubble. Ah ouais, ben. Avoir su, hein. Eh oui, hein, imagine tout ce que t'aurais pu faire. Je peux pas imaginer. Et toi, GF? Moi, je vais jouer à Overwatch, absolument. WWE 2K17 que je veux remettre un peu de temps. Puis je vais jouer à Steep aussi. Jusqu'à Noël, puis après ça, je m'en vais dans l'Ouest vraiment faire steep en vrai. Je vais être dans les montagnes. Fait que je vais switcher sur le mobile, loin. Ouais, Bent, ouais. Fait que je vais switcher, je vais tomber sur le 3DS. Fait que je vais jouer à Mario & Luigi Paper, je sais pas quoi, là, que j'ai acheté. Mm-hmm. Je me souviens plus du nom. Ah, Paper Jam. Acheté en même temps. Paper Jam, exactement. Fait que je vais m'embarquer sur Paper Jam entre Noël et Jour de l'An. Ça sera ça mes jeux pour le temps des fêtes. Moi aussi, la NES classique, faut que je la joue un petit peu. J'ai pas eu le temps de jouer beaucoup avec encore, là. Elle est dans sa boîte, pas à pleurer, elle aussi. Là. Comme toutes les NES classiques. Et voilà. Présentement, il y a plein de monde qui t'aime pas parce que tu jouerais pas avec. Ma blonde a joué. Moi, j'ai pas joué beaucoup. Ma blonde a joué. Je cherche une deuxième Christie de manette puis j'en trouve pas. C'est ça qui est le problème en ce moment. Ouais. T'as-tu la Wii ta manette Wii classique? J'ai pas la Wii classique, non. Mais j'ai vu au Toys R Us, ils vendent le genre de gros joystick là, NES, mais ça a l'air dégueulasse. Achetez pas ça. C'est un third party en plus. Ouais, je peux pas se faire ça. Shit. Triste. Voilà. Toi, Bruno? Ouais. Moi je vais Shadow continuer. Shadow of Mordor? Ouais, exact. Non, mais je vais continuer à faire farmer ma fille dans Final Fantasy XV. Puis je vais continuer la game aussi parce que là, elle a brûlé une couple de cutscenes pour moi. Puis j'étais un peu fâché. Ah, c'est plate, ça. Ouais. Ah ouais, j'en ai manqué un bout. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Noctis, il me semble, c'est ouais, ça son c'est nom. Son nom ouais. Le jeune gamin. Puis c'est ça, je vais jouer à ça. Je vais jouer à Tomb Raider. Je vais finir Tomb Raider que j'ai pas terminé encore. Je vais aussi. Finir ma run de Elite Beat Agents, qui est un jeu de DS que j'ai adoré, ben oui, que j'avais critiqué à Monsieur Net. J'hésite tout le temps à l'acheter, ce jeu-là. Je le vois dans toutes les pawn shops. Oh! C'est de la bombe, ce jeu-là. C'est un hidden gem, puis je pense pas qu'il y a personne qui l'aime pas. Là. C'est vraiment bon, puis c'est pas un jeu qui va sortir en Virtual Console ou whatever, parce qu'il y a plein de musique license dedans, là. Il y a plein de tracks. Ça coûte cher, c'est ça. Ça coûte tout le temps cher sortir ça, mais c'est vraiment très, très, très, très bon. Il y en a eu un deuxième au Japon parce que ça fonctionne beaucoup. Puis c'est ça aussi sur Game Boy, m'a essayé de faire une run de Paperboy sans péter de vite. Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Okay. Je suis vraiment content. Défis. J'ai trouvé Paperboy. T'as-tu trouvé ta déception quand t'as rejoué avec? Ou... Non, non, j'étais tellement heureux là. J'étais vraiment content. Il y a des jeux de même. Il me semble que c'était pas super au Game Boy. Mais je vais te laisser. Non, c'était le fun. Je joue à Bomberman Quest. Ah ouais. Qui est très bon, que j'avais jamais essayé de toute ma vie. Puis j'essaye de faire Zelda DX. Là. Des fois je me tanne. Okay. Puis c'est ça. Puis sinon, je vais jouer au dernier Ninja Turtle qui est sorti sur les consoles next-gen. Il est passé de 70 à 20$. Oh, c'est peut-être un signe que tu spécial... ton 20$ ailleurs. Non, mais c'est un spécial des fêtes, en fait. Il sera pas là de même longtemps. Là. Il est là pour cette semaine. C'est nos amis Platinum. Sur PS4. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Platinum qui a fait ça. Puis tu peux jouer en coop. Moi, jouer avec mon gars, on va avoir du fun, on va déconner. Fait que c'est ça. Good. Excellent. Ça va être les fêtes. Fou. Bon, ben, pour finir ça. Ouais, t'as un anniversaire, toi, que j'ai mon anniversaire. Oh, monsieur, je vais avoir c'est 37 vrai. Ans le 25 décembre. Tabarnouche. Genre, bientôt, là. Ah ouais, c'est dans samedi, pas long, là. Dimanche prochain. T'as c'est... failli t'appeler Noël Bourré, hein. Ouais, ben, ouais. Tu sais, mes parents, c'est ils ont toi, pas. C'est toi, Jésus, dans le fond, c'est pas moi. C'est ouais, vrai. C'est moi, Jésus. Jésus sans Robin, puis il vient de tête ferme. J'ai failli m'appeler Frédéric, en fait, mais il y en avait trop. Fait que ma mère n'aimait pas ça. Fait qu'elle m'a appelé Dominique à la place. Aussi, j'étais un gros bébé. Très, très gros. Deuxième plus gros de la batch là, du temps des fêtes. Si j'avais été le plus gros, ma mère, elle aurait gagné un club sandwich du restaurant là, du coin. Là, wow! C'est hot. Aïe, quel bel bro. Tout un prix. Fait que fail déjà en partant. Félicitations, gros tas! C'est pour ça que tu collectionnes et tu veux faire le full set présentement. Ah ouais, j'essaie de compenser là, mon fail de naissance. Ça, le club. Fait que tout ça pour dire que vu que je suis né à Noël, je peux jamais fêter ma fête avec mes amis. Je vois jamais mes amis à ma fête. Alors, ça va se passer cette année chez Arcade Montréal le 29 décembre. Oui, monsieur. Fait que j'invite la gang, là, la communauté du rétro. Plusieurs vont être là, les Retro Warriors, les Power Chasers. Va être là. On va avoir du plaisir. Bruno va être là. Fait que n'importe qui des auditeurs qui nous écoutent et puis qui passent par là ou qui ont envie de venir à Arcade Montréal, ça serait un bon moment de passer parce qu'on va être une gang ensemble et puis on va pouvoir se serrer la pince. Ah. Et puis on va être chaud puis on va crier. Ça va être malade! Ah! Ah!